sera là avec votre loyer à gagner dès 6h20. En attendant, c'est les infos et forcément, à force de foirer son footing tout nu, bah, il a attrapé froid. C'est Tristan Sarah pour les news partout en France. Oui, bonjour Robin, bonjour à tous. Un temps assez mitigé aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Des possibles inverses sur la Bretagne, des orages sur le sud-est, de belles éclaircies partout ailleurs, avec beaucoup de soleil sur l'Occitanie et le Grand Est. 22 degrés cet après-midi à Paris, à Lyon, 24 à Marseille et 26 à Perpignan. C'est la douche froide pour le gouvernement et le chef de l'État. Le chômage a explosé le mois dernier en France, une envolée de 1,4% par rapport à juillet, soit 50 200 demandeurs d'emploi supplémentaires, l'équivalent d'une ville comme Évreux ou Belfort entièrement mise à l'arrêt. La France compte ce matin plus de 3 560 000 chômeurs. Deux anciens grands flics en garde à vue à la police des polices, Bernard Squarcini, ex-patron de la DCRI, et Christian Flech, ancien chef de la PJ parisienne. Ils sont suspectés de trafic d'influence. L'ancien préfet de police Michel Godin a lui été entendu en audition libre. Un jeune de 17 ans mis en examen pour assassinat dans l'Hérault. La victime n'est autre que son demi-frère âgé de 12 ans. Il a été tué d'un coup de couteau samedi à Sauvian près de Béziers. Placé en détention, le tueur présumé va être soumis à des expertises psychiatriques. Vous vous souvenez sûrement du comité d'entreprise d'Air France du 5 octobre 2015. Le DRH avait eu la chemise arrachée, les images avaient fait le tour du monde. Eh bien, l'affaire est jugée aujourd'hui à Bobigny. 15 prévenus dans le box. L'intersyndicale d'Air France appelle d'ailleurs à la grève. À l'étranger, un jour historique pour la Colombie. Le président Santos et le commandant des FARC viennent de signer la paix. Un accord qui met fin à plus de 50 ans de conflits armés avec des centaines de milliers de morts et de disparus. L'Union européenne vient d'ailleurs de retirer les FARC de la liste des organisations terroristes. Le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump hier soir aux USA, échange musclé dans une ambiance parfois électrique entre les deux candidats à la présidentielle. Certains estiment que Hillary Clinton a pris un léger avantage. Il y aura encore deux autres débats avant le scrutin du 8 novembre. Et puis il y aura deux prétendants français aux International Emmy Awards le 21 novembre à New York. La série 10% dans la catégorie comédie et le documentaire Gérard Depardieu Grandeur Nature. Le film Elle a lui été sélectionné pour représenter la France aux Oscars. En foot, deuxième journée de la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du FC Séville et Monaco opposé à Leverkusen. Les deux matchs ce soir à 20h45, la suite dès demain avec le PSG face à Ludogorets. Paris qui a prévu de faire jouer Serge Aurier demain en Bulgarie en dépit de sa condamnation à 2 mois de prison ferme pour violence sur un policier. Le défenseur parisien a décidé de faire appel. Il y avait du basket aussi hier soir, le dernier match de la première journée de Pro A. Je sais que ça te plaît Robin. Le CSP Limoges a peiné devant son public pour finalement s'imposer à l'arraché 75 à 70 sur Dijon. La prochaine journée débutera dès vendredi avec Antibes qui recevra hier Toulon. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil avec nous. Ouais, bonjour à tous. Salut mon pote. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Donc j'ai raté mon début, c'est ça? Ben ouais. Là, Romu, je vais pas te mentir. En même temps, t'es pas forcément très réveillé. T'es absolument mignon. Et là, Romu, si tu te demandes si t'as raté ton départ, comment te dire? Si tu étais coureur de 100 mètres, Usain Bolt, il est déjà dans l'avion qui va bien arriver. Je comprends bien. Je pense que voilà, là, on va pas se mentir. Est-ce qu'on fait semblant, on peut le vraiment, c'est pas que t'as raté ton départ. C'est si tu partais en famille prendre l'avion, c'est l'avion, il a décollé, il est parti, ta famille est déjà sur un transat, t'es en train de sortir des toilettes dans l'aéroport. T'as vraiment, vraiment raté ton départ, mon pote. Bon, on est ravis de t'accueillir. On applaudit Romuald. Ouais oh. Ah, Romu, mais tu sais quoi? C'est normal, tu t'ouvres les yeux, hein. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ça pique. T'as envie de l'en faire? On fait style, ouais. Alors attention, compliqué. 3, 2, 1, c'est à toi. Bonjour à tous, je suis Romuald de Rouen. Nous sommes le mardi 27 septembre. Je m'apprête à prendre la route pour aller au travail dans ma fabuleuse 205 XT de 1985. Je déclare l'émission ouverte. Bonjour toute la France. Bonjour. Oh là là là là. T'as raté ton départ au bureau là. Ah là mon Romu, je suis très très très heureux de t'entendre. 205 XT? Attention monsieur, oui tout à fait. Oh là là, c'est beau. 1985, je précise. Ça ouais. C'est beau, hein. Moi j'ai un pote à moi qui avait eu pendant un moment la 206 Eden Park. Ah ouais, je la connais. Et ouais, elle avait les appuis-têtes en forme de ballon, c'était un truc de dingue. Oh là là, on voulait toujours prendre sa voiture pour sortir le soir. L'équipe est là bien sûr, il y a Laure, il y a Clément. Bonjour. Il y a la popo du standard, le 3916 pour nous joindre. Si vous voulez, si vous voulez foirer votre départ comme Romu, vous nous appelez, vous passez sur l'antenne. Et il y a la Ginger sur les réseaux. Il y a Nico du bureau qui est là pour veiller à tout le monde. Bien sûr, tout le monde, pardon, bien sûr. Comme mon Romu. Oui. Ça va toujours? Bah, faut voir. Génial, Romu. Oui, Clément. J'ai vu un article il y a pas longtemps, cette 205 là, année 85-87, elle est en train de prendre de la valeur. Dans 3 ans, elle va coûter très très très cher. Alors qu'en ce moment, elle est encore un peu pourrie. Pourquoi? Parce que ça devient une voiture de collection. Ouais. La 205 et la R5, il y en a de moins en moins, c'est très rare. Et si t'attends 3-4 ans, ça va coûter très cher. T'étais toujours déçu. T'étais toujours déçu par les modèles de voitures. Moi, je me rappelle à l'époque, je voyais la pub, les trentenaires comme moi là qui nous écoutent, la pub pour la Golf Bon Jovi. Ouais. Golf Bon Jovi. Mais moi, dans ma tête, mais tu mettais le son, il y avait Bon Jovi, c'était assis derrière toi. Shadow your heart and you'll be free. You give love a bad name. Bon, ben rien, quoi. Et ton pote Serge à l'arrière, et il se passait rien. Qu'est-ce qu'il y avait la Golf Bon Jovi de Bon Jovi? Rien. Il n'y avait rien. Non, le nom. La Clio MTV. Est-ce qu'elle avait d'MTV, la Clio? C'était la même avec écrit MTV derrière. Il n'y avait pas de clip, il n'y avait rien. Pas Rihanna, il n'y avait rien du tout. Ouais. Franchement, oui, Ginger. Mon père, il avait la Citroën AX Tiponche. C'est vrai, c'est bleu. Tout le temps bleu, ton père. C'est quand même génial sortir avec un nom de cocktail alcoolisé. Une voiture. On ne pourrait plus le faire aujourd'hui. Non. C'est clair. Il y avait la KW aussi. Comment? J'ai dit, il y avait la X-Kawe. Ah ouais, la X-Kawe. Celle-ci, elle avait un rapport parce que quand t'étais à l'intérieur, tu prenais pas l'eau. Eh oui, voilà, le vent. Comme les KW. Pas mal, pas mal. Oui, Nico du bureau. Moi, j'ai eu une Saxo Bic une fois. Arrête. Ouais. Ah bah. Mais bon, par contre, c'était, c'est vrai que c'est orange en mode Bic, tu vois. Maintenant, ils en ont fait un morceau de Saxo Bic. Ah, Mister Saxo Bic. Bah oui. Ah, bah oui. Évidemment, Mister Saxo Bic, ça a été 67 chansons. Moi, mon père, quand j'étais plus petit, je sais pas si tu te rappelles de cette voiture, Robual, il avait la Renault Nevada. Oh là là. La tu vois ou pas? Oui, et une voiture. Mon frère, elle avait une Six Break. Bien. Mais je comprends. Mais le Renault Nevada, il y a une voiture qui représente moins bien le Nevada que la Renault Nevada. Franchement. Non, mais en vrai, les amis. Oui, Clément. Le Nevada, c'est le désert. Et la voiture, elle a aucune option, elle a rien. Finalement, c'est cohérent. Oh là là, elle était dégueulasse. On a Saxo Bic. Mais c'est pour un gars qui roule en Saxo Bic. Non, écoutez. Il roule en Saxo Bic. Ben voilà. C'est un tube. Il roule en Saxo Bic. Et là, le nouvel album là, de cette chanteuse, il s'appelle Alexandra Stan. Alexandra Stan, là, en train de faire un truc sur le Citroën Cactus, là. Le morceau, il est dance floor, il est énorme, les gars. Enfin, absolument, on l'a acheté. Mon petit Romu, alors vraiment, t'as foiré ton départ. C'est tous les jours, hein. C'est vous qui démarrez cette émission. Vous nous appelez au 3916. Voilà, on vous rappelle d'ailleurs. Et vous démarrez l'émission, vous donnez le coup d'envoi de l'émission chaque jour. On est là jusqu'à 9h. T'as foiré, mais tu sais quoi, c'est pas grave parce que t'es adorable, Romu. Ah, merci. Ah, je te jure, je t'aime bien. Je t'aime bien, il faut que tu t'inscrives loyer au 7-12-13 parce que peut-être c'est à toi que je paierai ton loyer dans un instant. On sait jamais. Eh ben alors, on sait jamais, loyer au 7-12-13. Allez-y, nous dès 6h20, faites le tour des autres radios. Nous dès 6h20, on vous fait des beaux cadeaux ici sur Virgin Radio. Inscrivez-vous et puis c'est pas tout. Avant 7h, les gars, avant 7h, il y a peut-être un qui part à La Réunion. Wow. Mais pas à La Réunion, genre vous partez, puis vous nous envoyez une carte postale. On vous paye le transport et on vous paye l'hébergement en hôtel 5 étoiles, les amis. Le séjour qu'on vous offre, il vaut près de 7000 euros. Il suffit de vous inscrire maintenant au 3916, les amis. Qu'est-ce que t'en penses, Romu? Ah, excellent. Et alors, t'irais pas en Réunion, on peut jouer 205? Ah, bah, ma foi. Eh ben alors, ça ferait plaisir. Ça la classe, ça, non? Bah bien sûr, oui, Pauline au standard. J'adore Romu parce qu'il est pragmatique. C'est excellent, ma foi, j'ai foiré mon début. Il est hyper carré. Il s'en veut, on sent qu'il s'en veut, il est en train de refaire le match dans sa tête. Oh là là là là. Vous moquez un peu de moi quand même, non? Non, au contraire. Je vais te dire un truc, Romu, à l'heure qu'il est, avoir déjà autant la pêche, c'est un exploit. C'est clair. Non, sincèrement, oui, Clément. Non, mais on peut le laisser réussir sa sortie s'il veut. S'il veut. Tu sais quoi, Romu? Je vais préparer celle-là. Ben ouais. Eh ben, l'antenne est à toi. Tu réussis ta sortie et tu auras réussi ta journée. Bah écoutez, passez une très bonne journée. Quant à moi, je vais reprendre la route avec ma superbe 205 de 1985. J'adore. Et bah, amusez-vous tous bien. Eh bah, t'es un amour. On t'embrasse, mon pote, on peut t'applaudir. C'était Romu avec nous. Et merci, mon Romu. Merci de te réveiller avec nous. Bonne journée à vous tous. Je vous souhaite un très très bon courage. Ça y est, c'est mardi. On est parti. On est là jusqu'à 9h. Les beaux cadeaux, je vous l'ai dit. Puis surtout, on est à vos côtés. Vous qui avez bossé toute la nuit. Vous qui êtes peut-être tout juste en train d'ouvrir les yeux pour démarrer cette journée. On vous lâche pas. Et on commence avec Mom Aloha. Bienvenue sur Virgin. Radio, c'est mardi aujourd'hui, on est le 27 septembre. Courage à ceux qui ouvrent les yeux, courage à ceux qui ont travaillé toute la nuit, qui sont peut-être en train de nous écouter sur la route du retour. Oui. Peut-être qu'on est une libre antenne pour vous. Bah oui. L'émission que vous écoutez le soir rentrant. Les copains, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Il y a Clément, salut, il y a Pauline. Coucou. Et alors là, les amis, j'ai une info pour les râleurs. Ah. Peut-être que votre chérie voilà, se réveille le matin, elle ou il est de mauvaise humeur. Ouais. Eh bien, selon une étude réalisé aux États-Unis, les meilleurs employés seraient les râleurs. Ah oui. Si vous avez un employé qui râle beaucoup, d'accord, suivez mon regard, Laure. C'est de l'équipe, hein. Alors, si vous avez un employé qui râle beaucoup, et bien visiblement, ce seraient les meilleurs employés. Je vous explique quand même l'équipe, hein. D'après cette étude, on serait très rarement complimenté par la hiérarchie. D'accord. Donc si vous êtes un râleur qui en veut toujours plus, alors vous aurez la reconnaissance de la part de votre boss. Oui. Pour être félicité, râlez. Nico du bureau. C'est vrai. En fait, nous, on râle beaucoup, par exemple, avec Robin, auprès de Fredo, notre patron. Mais on râle beaucoup parce qu'on est très impliqué, parce qu'on a envie, voilà, d'avoir les meilleurs cadeaux, la meilleure émission possible. Et du coup, c'est vrai que Fredo dit tant, vous êtes râleur, mais au moins, vous êtes vraiment impliqué dans le boulot. Exactement. Après, nous, on est dans d'autres niveaux à Virgin Radio. C'est que déjà, on aimerait avoir de l'eau potable. C'est clair. Je rappelle que l'eau n'est plus potable depuis maintenant un mois. Et voilà. Nous, déjà, ce qu'on voudrait, c'est juste pouvoir boire. Déjà. Ouais. Et il considère qu'on râle, notre patron. Clément. Râleur et mauvaise humeur, c'est pas la même chose, exactement. Parce que moi, je pense être de très bonne humeur tout le temps, mais je suis très râleur quand même. Mais je râle avec le sourire, donc ça passe mieux. Je n'ai jamais vu râler de ma vie. Bah, je râle tout le temps. Ah bon? Ouais, mais je râle avec le sourire, du coup, vous vous rendez pas compte que je râle. Ah bon? Bah oui, là par exemple, je suis en train de râler. C'est cool en râlage. Oui, Pauline, au standard. Moi, je râle beaucoup à la cantine de Virgin Radio et je me suis engueulée plusieurs fois d'ailleurs avec le chef, mais en fait, on s'aime beaucoup et il a changé le poisson. Par exemple, le poisson, Ginger me disait qu'il était meilleur. Pourquoi? Pour toi? Bah, pour toute la cantine, du coup, parce que la situation était mauvaise. Ah, je râle à chaque fois et on s'engueule, mais en fait, on s'adore. Ah, Pauline, ça devait être, vous savez, celle qui faisait les manifs lycéens. Deux pas en arrière, trois pas en avant, ouais, c'est voilà. La politique. Que toi, tu suivais les manifs, c'était juste pour avoir une après-midi de congé, quoi. Elle devait vraiment organiser les trucs et tout, je suis sûr. Ah, bah, bien sûr, on avait une asso. Oh, la tristesse. L'asso du lycée. Oui, Laure. Et tu sais que c'est très bon pour la santé de râler. Moi, je râle pas beaucoup. Les amis, vous savez quoi? Si vous êtes des fidèles de l'émission, on va se quitter là-dessus, on n'aura pas mieux. Laure ne râle pas beaucoup, c'est l'info du jour. Si y a Cheap Thrills, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Ça te fait Laure? Je m'en fous. Mais elle râle pas beaucoup pour réveiller sur Virgin. Hi, this is Tia on Virgin Radio. Virgin Tonic. sur Virgin Radio. J'espère que ce mardi va bien se passer pour vous. On vous accompagne 6h-9h chaque matin. Vous qui sortez de la douche, vous qui êtes peut-être déjà en voiture, le pop rock électro qui va vous faire bien démarrer cette journée, c'est The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Et votre loyer à gagner dans quelques minutes. Appel loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. A tout de suite. De 6h à 9h, Camille Combal est dans Virgin Tonic. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça, ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Miniservice. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Toujours pas mal de grisailles aujourd'hui sur le nord-ouest du pays. De possibles averses sur la Bretagne. Des orages attendus également sur le sud-est. En revanche, le soleil restera très présent toute la journée sur les autres régions, notamment de l'Occitanie jusqu'au Grand Est. Vous aurez 19 degrés cet après-midi sur les côtes de la Manche. 20 à Strasbourg, Colmar et Chambéry. 21 à Lille, Nancy et Dijon. 22 degrés attendus à Paris, à Rennes, à Limoges, à Lyon et à Valence. 23 à Bordeaux, 24 à Marseille et à Nice. 25 en Corse. Et maxi 26 pour Perpignan. Bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Kungs au 88 000. Venez danser sur This Girl de Kungs versus Cooking on Three Burners. Envoyez Kungs, K-U-N-G-S au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez This Girl, le carton du moment de Kungs en sonnerie. Kungs au 88 000. Abonnement 3 euros par semaine DGP. Y'a quoi la télé? Elle Girl, la nouvelle chaîne où les femmes prennent l'écran. En exclusivité sur Elle Girl, The Ellen DeGeneres Show. The Royals, la série avec Elisabeth Hurley qui sème l'anarchie dans la monarchie. Et Catwalks, le magazine d'une décennie de mode décrypté par Ina Moja. Elle Girl, tout l'esprit de Elle dans un écran très girl, uniquement dans les offres canal. Mais il y avait quoi avant à la télé? Envoyez demain au 74567 pour connaître la date de la rencontre qui changera votre vie. Demain au 74567. Où le rencontrerez-vous? Envoyez demain, D-E-M-A-I-N, au 74567. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au pass. Virgin Radio TV. Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist. Pop, rock, électro, en image. Salut, c'est Imagine Dragons. Salut, c'est Julien Doré. Salut, c'est David Guetta. Hey guys, this is Bruno Mars. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Virgin Radio TV. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Chaîne 67 de votre Freebox. Chaîne 150 de votre télé SFR. Chaîne 142 de votre télé Orange. Sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Regardez-nous sur Virgin Radio TV. 100% music. Virgin Radio TV. Rock Electro. Tout de suite. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Et oui, et c'est comme ça chaque matin. Trois rendez-vous avec le loyer. Vous pouvez faire le tour des radios. C'est une exclue. On est les seuls à vous faire ce très très beau cadeau. Et dès 6h du mat, pour vous qui vous réveillez très tôt, pour vous qui avez peut-être bossé toute la nuit, on veut vous faire ce cadeau dès 6h20. Il suffit de vous inscrire. Ça se passe par SMS. Loyer au 7-12-13. On met un espace, on écrit loyer, un espace, votre numéro de téléphone. On tire au sort, c'est parti. Premier de la matinée. Hier, quand même, c'est incroyable. 3300 euros ouais. De loyer offert en 3 tirages. On espère faire encore mieux ce matin. Bonne chance à vous tous. Je vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. Il n'y a pas de piège, on est les seuls. Vous répondez Virgin Radio. Et c'est gagné pour vous. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Audrey? Mais c'est moi-même. Audrey, ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Non. Mmh. Eh oui. C'est Virgin Radio. Ouais, y a Laure qui te félicite. Je te félicite. Y a Clément qui te félicite. Félicitations. Y a Pauline qui te félicite. Félicitations. Merci. Y a Nico du bureau qui te félicite. Félicitations. Merci à vous. Merci. Audrey, ma chérie, on est tous très heureux. Tu viens d'où, ma belle? Je viens de Grenoble. À la cuvette. Ouais, c'est ça. Le Y. Ouais. C'est la cuvette. Très chaud l'été. Très froid l'hiver. Exactement. J'adore cette ville de Grenoble. C'est une très très très belle ville, Grenoble. Je suis déjà allé sur la Grand Place. D'accord, la Grand Place. Grand Place peut-être, le centre commercial. Ouais, exactement. Et je suis allé aussi où il y a un funiculaire qui parle, un téléphérique. Les eaux, on appelle ça les eaux. Exactement, où on peut manger en haut au Père Gras. Voilà. Et voilà. Ah, dis donc. Et alors, ça on calme hein, l'équipe. Ah, tu bouges, hein. Ben moi je bouge un peu, je reste pas pendu dans ma tour d'ivoire. ma petite Audrey, alors déjà je suis ravie d'offrir ce cadeau à une grenobloise. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis assistante d'éducation en lycée, je travaille avec des jeunes. Ah très bien, ben, beau métier. Et je vais te faire un chèque de combien alors qui correspond à un mois de loyer ? Un truc de fou, un chèque de 700 euros. Eh ben, je suis très heureux ma belle, 700 euros pour toi du côté de Grenoble. C'est trop bien, je vous remercie. T'es contente ? Ah ouais, vous êtes mortelle. Eh ben t'as un amour ma chérie, on te fait des bisous ma Audrey. Mais moi aussi. Première gagnante de la journée, c'est parti, le coup d'envoi est lancé du côté de Grenoble en Isère, le 38. Eh ouais ma grande. C'est parti, le premier chèque de la matinée est parti, je vous souhaite bonne chance à vous tous, vous l'avez compris, hein, encore deux tirages, 7h20 et 8h20. Inscrivez-vous par SMS, loyer au 7, 12, 13. Et tout de suite, le son des Chainsmokers sur Virgin Radio. On vous a envoyé quand même à Las Vegas les applaudir, c'est un truc de dingue, c'était la semaine dernière. On les écoute tout de suite, excellent réveil. Hey guys, we are the Chainsmokers on Virgin Tonic. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. Don't let me down. J'espère que ce mardi va bien se passer pour vous. C'est le Virgin Tonic. Virgin Tonic. Je sais qu'à cette heure-ci, il y a déjà en voiture, il y a déjà des gens sur leur lieu de travail. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont tout juste en train de prendre le petit-déj. Peut-être vous êtes comme moi le matin, vous êtes en train de mettre les Choco Pops dans le lait et vous entendez le crépitement. Ah oui. Oui. Je fais pas ça. Non ? T'es vraiment un enfant. Ah, j'adore. Les Choco Pops qui crépitent, ça me rend dingue. J'adore ce bruit, Clément. Il y avait des céréales comme ça, les Rice Krispies. Tu te rappelles quand on était petits ? J'adorais. Elles étaient faites pour ça dans la pub. Ils disaient écoutez-les. Voilà, il y a des gens. Ah, j'adore. Pauline au standard. Ça le fait encore plus avec les Miel Pops, non ? J'ai l'impression. Non. Ah ouais, Miel Pops, ça crépite aussi. Ben oui, ça crépite. Non. Bah ouais, si. Si, quand elles sont périmées, si. Si, bien sûr. Oh, les amis, je tombé sur un sondage, tiens, oui. Vas-y. De la Fédération Française d'Athlétisme. Oh là. Okay. Et ouais, il m'a un peu surpris. 11% des Français font un jogging au moins une fois par semaine. Et j'en fais partie. Ouais. Oh, tu vas courir une fois par semaine. Non, le dimanche, j'en ai de jogging, je reste en jogging. Ah, bah ouais. Une fois par semaine. C'est pas ça la journée de jogging. Ah bon, c'est quand tu cours et que tu vas faire un footing. Alors, je sais que vous êtes nombreux. D'ailleurs, peut-être en train de nous écouter, en train de faire votre sport le matin. Je trouve ça incroyable, vraiment. Oui. Je vous dis, moi, quand on arrive à la radio vers 5h30, je vois des gens courir. Vraiment, je vous jure. Je trouve ça hallucinant. Mais quand même, un footing une fois par semaine, un Français sur 10, ça me paraît beaucoup l'or. Tu sais, quand t'as des enfants, le footing, c'est en continu en fait. Par exemple, hier, ma fille a oublié son carnet de correspondance, donc j'ai dû courir. J'ai dû me faire bien un kilomètre pour la rattraper parce qu'elle ne m'entendait pas. Je hurlais comme une folle dans la rue. Ah, pour la. T'as oublié ton carnet. Voilà, donc quand t'as des enfants, le jogging, c'est toute la journée. Ah, en fait. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok, donc pas en sport, le côté. Parfois, t'es obligé de courir, tu t'y attends pas. Bah oui. Clément. Bah, j'ai fait un 200 mètres hier pour entrer dans l'ascenseur. C'est une durée plus courte, mais j'ai couru hier, j'ai fait 200 mètres à fond, donc j'ai couru aussi. Ah, pas mal. Moi, il y a un truc où je cours tout le temps ici le matin, c'est que vu que je vous prépare des petits chiffres quand même, je suis un peu le seul à bosser. Ouais. Et ben, dès que je veux les imprimer, l'imprimante, elle est à 3 Radio 10. C'est vrai. C'est vrai qu'on a une imprimante qui est à Virgin Radio, mais Virgin Radio Belfort. Donc, c'est pas chaque fois que j'imprime, je suis à Belfort pour récupérer ma feuille. Non, mais en vrai, donc pour pas être en retard là au micro, c'est vrai que chaque fois, je cours. Voilà. C'est quand la dernière fois que vous avez dû faire un jogging? Donc pas un jogging, on s'est compris, hein, oui. Pas un jogging, ouais. Du sport vraiment. Mais la dernière fois, vous avez dû faire un sprint, ma petite Pauline au standard. Moi, c'était pour aller à mon cours de yoga Bikram, parce que je déteste arriver en retard à ce cours-là, parce que toutes les filles me regardent genre, mais elle arrive pas à arriver à l'heure. Quand t'arrives dans une salle où tout le monde est arrivé à l'heure et t'es la seule à arriver à l'heure. J'en ai fait. Le yoga Bikram, c'est marrant. Je pense ne pas être surpris, ça sonne chiant. Hein. Non, ça c'est sonne super. Terrible, j'ai failli mourir. Les gars, yoga, ça sonne chiant, Bikram, ça sonne chiant. Yoga, Bikram, on est sur une doublette de chiant, je pense, hein, Clément. C'est le sport le plus dur au monde. Ouais. J'ai fait tous les sports du monde, j'ai failli pleurer, ils ont failli appeler les pompiers. C'est du yoga normal, tu fais des petites positions, mais dans un truc où il fait 50 degrés. Ouais. Ah ouais, ça mélange la poire et tout, j'ai failli tomber vraiment, c'est dangereux. Génial. Ah ouais, faites attention. Bah, yoga, Bikram, tu fais ça? Oui, je fais ça, là, je teste, je continue la danse, mais je teste plusieurs. Elle s'éclate bien sûr. Voilà. Nico, mon bichon, quand est-ce que la dernière fois que t'as dû courir comme ça de façon impromptue, t'en as une ou pas? Bienvenue au 3916. Ouais, bonjour. Bonjour. Salut Nico. Salut. Nico, il est en bagnole. Salut. Nico, il est en bagnole. Eh ben oui, il est garé sur l'autoroute. Sur la voie du milieu. Je suis en camion sur la voie de gauche. Bah bon, très bien. Non, en fait, non, moi je dis très bien. T'es bête. Mais moi en plus, je calcule pas, je dis très bien. Mais non, évidemment, sur une aire. Mon Nico, mon bichon, dis-moi, à quel moment t'as dû courir la dernière fois? Alors, moi, c'est hier. Hier matin, en arrivant au bureau, j'ai dû faire un petit 100 mètres pour éviter de toucher les portes et passer pile poil entre les deux. Quoi. J'adore. Mmh. Ah, là, t'es mon héros, Nico. Ça, j'adore. Les portes, ça y est, les portes automatiques. Oui, se faufiler. Ah, se faufiler, voilà. J'adore. Ouais. Le côté. T'as l'impression d'être genre dans Mission Impossible. Ouais, ouais. Ethan Hunt, le héros, tu es d'être là. Hop, les personne m'a vu rentrer. Salut, Pierrick. Salut. Alors que c'est le bureau, tu vas tous les jours, t'as l'impression d'être un espion, Clément. Et prochain footing dans 10 secondes quand il va descendre, là, au milieu de l'autoroute. Oui, Nico du bureau. Moi, j'adore faire ça, mais dans les centres commerciaux, quand il y a les portes tourniquets, tu sais. Mmh. Les portes tournantes. Oui. Et par contre, maintenant, il y a des sécurités, donc même si tu te faufiles à peine, ça bloque. Et les gens qui sont à l'intérieur, ils sont. Ah, tu les bloques. Ouais. Ouais, je rappelle que t'as 7 ans. Hein. Nico du bureau. Ouais, j'adore. C'est fou comment on est gamin sur des trucs. Nico, il y en a 36-37 ans, ouais. il a une enfant et il fait encore des jeux de gamin. Ouais. On est idiot, hein, oui, Clément. C'est quoi le vrai nom des portes tournantes? Tourniquet. Un tourniquet. Ça s'appelle vraiment un tourniquet? Exactement. D'accord, ok. Si t'as raté le tour. Tourniquet. Merci Laure. Merci Laure. Restez avec nous sur Virgin Radio. Je te fais plein de bisous, mon Nico. Merci vraiment d'avoir le sourire avec nous le matin. Dans un instant, c'est Pink. Raise your glass. Voilà ce qu'on va écouter. Le temps de faire juste un point sur l'actu. 2 minutes. On reste avec vous. On revient comme chaque matin sur Virgin Radio avec le son de Pink. Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un ciel contrasté aujourd'hui en France, de possibles averses sur la Bretagne, des orages attendus sur le sud-est, entre les deux du soleil sur une ligne allant de l'Occitanie au Grand Est, beau temps sur la région parisienne où il fera 22 degrés cet après-midi, vous aurez 24 à Marseille. L'explosion du chômage le mois dernier en France, on n'a jamais fait pire depuis janvier 2013, une hausse de 1,4% par rapport à juillet, soit 50 200 personnes de plus inscrites à Pôle emploi. Les jeunes sont les plus touchés. Le chômage de longue durée est également reparti à la hausse après 5 mois consécutifs de petites baisses. 2 ex-grands flics cuisinés par les bœufs carottes, Bernard Squarcini, ancien patron de la DCRI, et Christian Flech, ex-chef de la PJ parisienne, viennent de passer la nuit en garde à vue dans les locaux de l'IGPN. Ils sont suspectés de trafic d'influence. Un enseignant de la Sorbonne dit avoir été agressé par des policiers. Le prof de 28 ans affirme avoir reçu un coup de taser à la sortie du RERD à Saint-Denis. Son seul tort aurait été, selon lui, de filmer l'interpellation d'une femme noire avec son portable. La préfecture de police a ouvert une enquête et pourrait saisir la police des polices. C'était le 5 octobre 2015 à Roissy. Le comité d'entreprise d'Air France, perturbé par des salariés et des syndicalistes en colère. Le DRH devait fuir la chemise en lambeaux. 15 prévenus vont comparaître aujourd'hui au tribunal de Bobigny, dont 5 ex-salariés poursuivis pour violence volontaire en réunion. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison. L'intersyndicale d'Air France appelle à la grève. Violence, moquerie, insultes, le harcèlement à l'école sera au cœur d'une campagne de sensibilisation à partir du 26 novembre. Ce matin, le journal Le Parisien évoque une enquête menée dans les collèges et lycées d'Île-de-France. Il en ressort que les insultes sexistes touchent presque autant les garçons que les filles. Et ce soir, France 3 diffusera le téléfilm Marion, 13 ans pour toujours. Le drame de Marion Fraisse, retrouvée pendue dans sa chambre en février 2013. Elle avait 13 ans et elle ne supportait plus les insultes de ses camarades de classe. À l'étranger, le débat musclé entre Hillary Clinton et Donald Trump cette nuit sur les chaînes américaines. La candidate démocrate aurait pris un léger avantage. Il y aura encore 2 débats d'ici au 8 novembre. Côté sport du football, ce soir, la 2e journée de Ligue des Champions. Lyon en Espagne face à Séville à 20h45 et Monaco opposé à Leverkusen. Lyon et Monaco qui vont tenter de conforter leur première place. Le PSG jouera lui demain sur la pelouse bulgare de Ludogorets. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic pour réveil. Bienvenue à tous, soyez les bienvenus, vous êtes ici chez vous, vous êtes ici à la maison, c'est votre émission tous les matins, 6h-9h, le Virgin Tonic, c'est vous qui la faites. Hein. Franchement, nous on arrive les mains dans les poches, on a juste voilà, beaucoup de sourire de savoir qu'on va passer cette matinée avec vous et vous nous appelez au 3916, vous nous racontez vos problèmes, beaucoup de cœur, beaucoup de griffes, beaucoup de gueule, beaucoup de gueule, vos envies, voilà, vous passez sur l'antenne, vous êtes à la maison et en plus le 3916, c'est le même numéro qui vous permet de vous inscrire pour les jeux et on en a un beau de jeu qui arrive dans un instant. Pour peut-être repartir avec un séjour à la Réunion d'une valeur de 7000 euros, c'est le grand retour du pass au voisin, ah le ouais. pass à ton voisin. Ouais. Vous allez affronter toute cette équipe de bras cassés. Le pass à ton voisin, les amis, inscrivez-vous. Et donc pour ce très très beau cadeau à gagner dans quelques minutes. Vous nous avez choisi, vous le savez, dans un instant, c'est le Réponse à tout de Clément Lincrus qui arrive, qui tous les jours va poser des questions aux enfants. Le pop rock électro de Pink aussi qui va arriver. Et avant, je voudrais vous parler de sexy. Okay. Je voudrais vous parler de choses sexy, les amis. Ouais. Okay. Puisque vous allez halluciner par cette info. Pour ouais. tous qui m'écoutez, vous allez peut-être faire des dîners entre amis ce week-end. Vous allez peut-être aller en boîte pour les plus jeunes. Un homme sur trois se trouve plus attirant après avoir bu quelques verres d'alcool. Je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que on se sent plus en confiance quand on a bu quelques verres. À consommer avec modération, pas être ivre. Mais apparemment, nous les hommes, on s'imagine plus sexy, Laure. Oui, alors que c'est faux. Moi, je pense ça. Et franchement, c'est le moment où il est le plus immonde quand il a bu. Eh ben justement, tu vois, tu me lances la perche. Puisque ouais. à l'inverse, ouais. alors un homme sur trois, donc 30%. À l'inverse, seuls 13% des femmes trouvent leur partenaire plus attirant quand elles aussi ont bu quelques verres d'alcool. Bon, en réalité, il y a 20% qui se perdent. Voilà. Ouais. Vous l'avez compris, seule une femme sur 10 trouve son chéri plus attirant après avoir bu quelques verres. Pauline, au standard. Eh ben, moi, par exemple, William, je le trouve hyper attirant quand il a bu quelques verres. Pas quand il a trop bu, parce que bon, là, il s'endort. Ouais. Mais quand il a bu quelques verres, eh ben, il est hyper drôle. Il est plus attirant. Et franchement, oui, moi, des gens qui me font rire m'attirent. Ben, bien sûr. Il est marrant. Non, oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Drôle. Oui, Clément. Moi, après 8-9 verres aussi, je trouve très attirant William. C'est normal. William, c'est le mec de Pauline, bien sûr. Mais elle est folle cette info, non? Ouais. Oh là là. Attention, ce qui est fou, c'est que l'alcool est mauvais pour les femmes enceintes. Vous savez ça? Bah oui, ah bah, oui. Bah, oui. Alors que sans alcool, la fête est plus folle. Il n'y aurait pas forcément beaucoup de femmes enceintes. Ah non! Je plaisante! C'est une blague, elle est de Clément! Hein. Oh là là, là. Les amis, tout de suite, c'est la réponse à tout! Virgin! Réponse à tout! J'ai Laure, elle va me jeter un café au visage, j'ai l'impression, dans 2 secondes. Laure, il suffit pas de ressembler à CTLM hein, pour faire du CTLM. Allez voir le haut de Laure. C'est bien parce que ce qui est bien, c'est que si Clément avait mis un haut blanc, j'aurais le drapeau italien devant moi. Il y a Laure, elle a mis le t-shirt de meilleur sprinter. À côté, j'ai le maillot rouge de Ginger. Et Clément au milieu, j'ai la même chemise depuis 6 jours. Je vais me mettre torse nu si tu veux. Merci à vous, merci. Les amis, allez, avant d'écouter Pink, c'est donc le réponse à toute Clément. Et la question qu'on vous a posée,

On est très très très heureux d'être avec vous. Prudence, si vous êtes sur la route, peut-être entre Strasbourg et Brumath sur la 4, vous avez hâte de voir le soleil se lever. Eh ben, on est de tout cœur avec vous. J'aime bien saluer des routes très précises. Ouais, c'est évidemment. Bien. Laure, Clément, Pauline sont là. Bien sûr, on est à vos côtés chaque matin. Courage, courage à vous. On parle de ceux qui sont en voiture. Je sais que vous êtes nombreux aussi sous la douche en train de prendre le petit déj. Et on joue avec vous tout de suite. C'est le grand retour du passe à ton voisin sur Virgin. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé. Le passe à ton voisin, c'est un jeu qui est très très simple. Je vais vous donner un thème. Vous ne le connaissez pas, l'équipe. La personne qui va être avec nous au standard ne le connaît pas non plus. Et ensuite, vous devrez chacun votre tour, en 5 secondes max, me donner une réponse qui colle avec le thème. Plus de 5 secondes, mauvaise réponse, éliminée. À la fin, il n'en restera qu'un. Comme dans Highlander, Quentin MacLeod. Attention. Avec nous au standard au 39-16, je voudrais qu'on accueille Charline. Bonjour Charline. Bonjour Charline, bonjour l'équipe. Salut. Je suis ravie de t'entendre ma Charline, tu viens d'où? De près de Nîmes. J'ai pas entendu, Nîmes. Pardon. À côté de Nîmes. Ah, à côté de Nîmes, d'accord, très bien. Ma belle, sois la bienvenue, tu vas donc affronter l'équipe, je te rassure. C'est une fidèle de l'émission, tu sais que tu affrontes pas non plus l'insurmontable. Quand tu connais Clément, Pauline et Laure, tu risques pas grand chose. Attention. Ma Charline, le thème, tu ne le connais pas, je rappelle. Si c'est toi qui gagne ce jeu, tu repars quoi qu'il arrive avec un casque Sennheiser Momentum. 350€ la valeur de ce casque. Puis tu seras inscrite pour vendredi matin. Comme tous les gens de la semaine, tu seras inscrite pour le tirage au sort du voyage à La Réunion. D'accord? Ok. Ma Charline, on y va. Le thème, le voici. On va faire Laure, puis Clément, puis Pauline, puis toi. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Ok. On appuie dessus avec le doigt. Laure. La télécommande. Très bien, Clément. Le bouton pour descendre du bus. Très bien, Pauline. Ton portable pour cliquer, pour envoyer un message. Très bien, ton portable. Charline. Clavier d'ordi. Clavier d'ordi. Laure. Un bouton pour le percer. Très bien, Clément. Un écran de téléphone portable. Non, téléphone portable, je peux pas l'accepter plus. On a eu un téléphone portable pour envoyer des messages. Pauline l'a dit. Excusez-moi, j'ai compris. Clément, un écran sans portable. Rancune, on se quitte, bon copain. Très bien, on va, j'étais concentré. Bonne pas route à vous. Attention, il reste plus que des filles. Vous l'avez compris, si vous nous rejoignez, c'est le passe à ton voisin sur Virgin Radio. Charline face à Pauline et Laure. On reprend à Pauline. Attention, le thème, je le rappelle, 5 secondes maximum. On appuie dessus avec le doigt. Pauline. Le bouton de l'ascenseur. J'accepte. Charline. Une punaise. Une punaise, oh, bien vu. La sonnette de l'entrée. La sonnette de l'entrée s'est arrêtée sur midi. C'est à ce moment très précis que tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es marisé, on est tout là-haut. Je m'en suis comme Magnolia. Pour enlever la petite crotte au début là. Non, on n'appuie pas avec son œil. Non, on n'appuie pas avec son doigt sur l'œil. D'ailleurs, et je vous le dis, vous avez des petits soucis à l'œil, ne frottez jamais vos yeux, les enfants. Ah ouais? On se frotte pas les yeux, c'est très mauvais. Alors déjà pour les filles, hein, ça donne énormément de rides puisque les paupières sont l'endroit le plus fin du corps, et la peau la plus fine. T'as raison. Et deuxièmement, c'est extrêmement mauvais, ça donne même des maladies très très dures. Il faut jamais se frotter l'œil. Ne le faites pas, ça gratte. Ne le faites pas. Laissez que ça gratte, faut pas le faire. On fera plus. Et je vous jure, mon chirurgien il m'a dit, fais passer ce message, je le fais passer. Ok, bien. Alors, Charline, ma belle, maintenant tu es face à l'or. C'est la grande finale. Deux femmes face à face pour le passe à ton voisin et je vais changer le thème. Je change le thème. Tu vas m'en empêcher là. T'as bien dû me foutre en zonzon là si ça va pas. Je change de thème, on repart à zéro. Charline face à Laure, 5 secondes maximum pour me donner des bonnes réponses. On commence avec Laure. C'est un chrono, ça se secoue. Orangina. Très bien. Charline. Milkshake. Très bien, on arrête les boissons, c'est pas toutes les boissons, ça se secoue. Laure. D'accord, le produit anti-poux. Très bien. Charline. Une attraction. La teinture pour les cheveux, faut bien mélanger parce que sinon ça fait des traces. Les produits dans un pot. Les poux, autre chose. C'est perdu. Malheureusement, Laure n'a pas gagné. C'est donc Charline qui remporte le passe à ton voisin. Oh là là là là, Charline, tu t'en sors bien. Hein. Super, ah, super, merci. Elle allait nous faire tous les liquides qui tiennent dans un flacon. Là. On n'allait jamais s'en sortir. Ma Charline, alors déjà, un très beau casque pour toi d'une valeur de 350 euros. Et en plus, tu l'as compris, hein, tous les matins à cette heure-ci, on sélectionne quelqu'un. Tu es la deuxième personne de la semaine. Et vendredi, vous serez quatre pour un tirage au sort pour partir avec un séjour d'une semaine. Hôtel 5 étoiles, le transport à La Réunion. Tu choisiras une personne. Le séjour vaut près de 7000 euros, ma belle. Waouh, énorme, énorme. Eh ben, je te souhaite vraiment bonne chance et je t'embrasse fort, merci. Ma Charline. Quoi qu'il arrive, je te reprends au téléphone vendredi, d'accord ? Ok, ça marche. Je te fais plein de bisous, ma belle. Merci d'être avec nous le matin, comme vous tous qui nous écoutez. Couvrez les yeux à nos côtés. DJ Snake, Let Me Love You sur Virgin Radio. Eh, hey, ça, ça secoue. Ah ouais. Ouais. Réveille sur Virgin. Salut les jeunes. Justin Bieber. Hey, c'est DJ Snake. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Choisi. Vous êtes tellement nombreux à avoir changé de radio, à avoir changé vos habitudes et c'est pas simple pour venir nous rejoindre. Depuis des ans qu'on est là sur Virgin, c'est le Virgin Tonic avec toute l'équipe bien sûr. Oui, oui. Avec un loyer à vous offrir à 7h20, déjà le deuxième tirage au sort. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. Laissez-moi bien votre numéro de téléphone. Tirage au sort dans quelques minutes et le pop rock électro. Dimani, don't be so shy. Merci Laure, c'est parti, vous êtes dans le Virgin Tonic. On vous lâche pas les copains. En ce moment chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 29 octobre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Oh. Et si les pros communiquaient sans compter à travers toute l'Europe ? Moi, avec Orange, j'ai les SMS et MMS illimités en France. Et moi, avec Orange, j'ai les appels illimités en France et en Europe pour joindre mes clients. Et ben moi, avec Orange, j'ai 25 gigas d'internet mobile dans toute l'Europe. Il serait peut-être temps que tu prennes des cours d'anglais. Avec les forfaits mobiles Performance Pro et Open Pro d'Orange, communiquez avec vos clients sans compter en France et dans toute l'Europe. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange, valable sur certaines offres, conditions et tarifs sur orangepro.fr.

Moi, ça m'arrive avec la barbe, parce que là, le téléphone, tu le rechargeras, tu serais heureux. L'autre jour, j'ai commencé à me raser, et brrr. Et quand t'es attendu pour un rendez-vous, et que t'as qu'un seul côté de rasé, tu vas te profil. Tu vas te rendez-vous de profil comme ça. Parce que à moins que t'aies rancard en Égypte. Les autres, ils sont de profil tout le temps, ça marche. Les autres, dans un autre pays que l'Égypte, t'en galères. Donc, si t'avais rendez-vous du côté de la Vendée, faut lui dire, bon, on se retrouve en Égypte. C'est pas simple. C'est pas simple. Qu'est-ce qui vous fait mal? Je vous jure, ça me fait mal au moral. Ah, mais comprends, y a quoi? On va reprendre un chargeur et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est, ça? Je sais que vous qui m'écoutez, c'est un truc tout bête. C'est des petites choses comme ça. C'est tout bête, ça se résout en deux minutes, mais ça fait mal au moral. Ouais. Y a quoi pour vous? Tiens, ma popo au standard. Et je vais vous demander, vous êtes nombreux au standard. Un truc comme ça, tout bête, qui vous fait mal au moral? Je vais faire mieux. Je vais lancer un hashtag. Hashtag, ça fait mal au moral. Dites-nous aussi sur les réseaux. Musique de hashtag. Les amis, pourquoi le truc qui vous fait mal au moral, c'est quoi toi, ma Pauline? Moi, ce qui me fait vraiment mal au moral, c'est quand je lance une machine et que je vais pour l'ouvrir en me disant tiens, je vais tendre ma petite machine, demain j'aurai toutes ces fringues propres et que j'ai rien mis dedans. Ça arrive ça? Plein de fois, je la fais tourner à vide. Ah, moi, je suis pas fier du tout, mais c'est vrai, je crois que j'ai jamais fait de machine à laver de toute ma vie. Ouais. Ah non, je me dis, après, je pourrais être malhonnête et vous faire croire que, franchement, je suis très gauche là-dessus, je suis pas bon du tout dans les tâches quotidiennes et j'en suis pas fier, c'est pas bien, mais on peut arriver d'oublier de mettre les fringues dedans? Tu la lances et puis voilà. Parce que moi, généralement, en fait, je les mets directement dedans. Je les mets pas dans la panière, je les mets dedans. Puis des fois, je mets dans un sac et quand je vide pas le sac dedans, je la fais tourner à vide. La panière, c'est le truc qui est dans la salle de bain où toutes mes chaussettes sont à côté? Exactement. Je vois, pardon, j'essaie de comprendre le vocabulaire. Clément. Non, nous, les gens normaux, on a plutôt, Pauline, l'inverse en fait. C'est-à-dire que tu mets tout, t'attends une heure et en fait, tu te rends compte que t'as pas appuyé sur le bouton. Ça fait mal au moral. Oui, je l'ai déjà fait aussi. Alors, qu'est-ce qui te fait mal au moral à toi? De ne jamais réussir à ouvrir une boîte de médicaments du bon côté. Mais ça m'en dingue. Ça m'en folle. À chaque fois, je fais le pari en plus, tu sais. Tu t'arrêtes, je vous jure, c'est impossible de prendre une boîte de médicaments, d'accord? De l'ouvrir, mais calculer toutes les logiques, vous tomberez toujours du côté où il y a la notice qui est enroulée autour. Mais oui. Je pourrais trouver Monsieur ActiFed et m'énerver sur lui. Laure. Mais alors tu vois, j'avais une théorie justement. Je me suis dit, mais en fait, il faut que le mot se lise dans le bon sens. Et tu ouvres à la fin du mot. Mais non. Il n'y a pas de logique. Non, il n'y a pas de logique. Non, il y a un gars, il vient, il retourne. Je suis sûr, il y a un petit bonhomme dedans, il retourne. Il dit, va ouvrir la hop. Je mets la notice de ce côté. C'est impossible. Et qu'on soit bien clair, c'est important. La notice ne fait pas le tour de tout le Médoc. Et oui, c'est ça. Vous seriez en train de dire, ils sont vraiment bêtes. Mais non. On l'est bête. Mais on n'arrive pas à ouvrir du bon côté, Clément. Est-ce qu'on ne vient pas d'inventer un concept de jeu, le Médoc Game? Ah ouais. Tu prends des médicaments et tu dois en ouvrir 3, et si t'arrives à en ouvrir un du bon côté, tu gagnes un truc. On joue à ça avant la fin de l'émission. Le Médoc Game. Appelez-moi C8. On en fait un prime. On en fait un prime dans les 2 heures. Tiens, je voudrais parler à Teddy. Teddy, mon bichon, est-ce qu'il y a un truc, toi aussi, mais vraiment tout bête comme ça, comme l'histoire des médicaments? Des trucs idiots mais qui te ruinent le moral, mon pote, salut. Ouais, salut. Il y en a un, c'est quand je regarde le Facebook de mon ex et que je la vois sur toutes vacances quand il y a 4 personnes autour d'elle que je connais pas. Ouais. Voilà. Et qui sont le moral. Là, c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, autant la boîte de Médoc, on s'en fout. Ouais. C'est vrai que quand tu vois ton ex avec 4 mecs que tu connais pas et qu'elle t'a plaqué il y a 2 mois, et d'un coup tu dis, même si l'ActiFed ça arrive du côté d'Otis, c'est pas très grave. Hein. On est d'accord. D'accord. Mais en revanche, j'ai besoin d'un ActiFed. Oui, Clément. Est-ce qu'on n'a pas un énorme concept avec son ex et ses 4 mecs? Non. On y joue à la fin de l'émission. Bolide au standard. Et déjà, pourquoi il est ami avec son ex sur Facebook s'ils sont plus ensemble? C'est dur de lâcher. C'est dur de lâcher. Vaut mieux pas voir. Mais à un moment donné, c'est dur de lâcher. Ah ouais. Je suis d'accord avec Teddy. Puis des fois, les photos, elles te remontent parce que tes amis sont amis avec elles. Oui, c'est vrai. Et parfois, le fil d'actu fait remonter. J'ai raison, Teddy? Oh, t'as tout à fait raison, c'est ça. Merci. Mais n'hésitez pas à le dire quand j'ai raison. Je plaisante. Mélanie, ma chérie, il y a des trucs, toi aussi, tout bête, qui te font mal au moral. Sois la bienvenue. Salut Camille, salut tout le monde. Ouais, y a un truc qui fait bien mal au moral, c'est quand tu essayes d'ouvrir une bouteille de vin et que le bouchon se pète en deux et que du coup après tu galères à enlever l'autre morceau. J'ai énormément pas de chance en ce moment avec ça. Ah bon? Je crois que ça fait beaucoup d'années que j'ai pas eu de problème et là toutes mes bouteilles où le bouchon il s'explose, où il tombe dedans et tout. Et c'est un drame. En ce moment, j'ai pas de chance avec les bouchons, Clément. T'as raison, je voulais te le dire. Merci, Clément. Et t'as raison de me remercier. On écoute Imani dans un instant, notre réalisateur. Je pense que t'as raison. Ouais, il me semble bien. Ouais, c'est ça. On va revenir juste le temps de faire un point sur l'actu. Et puis, on va écouter ça pour le pop rock électro. Je vous souhaite un très très bon réveil. Il est tout juste 7h et on est là avec vous jusqu'à 9h. Je sais que vous avez besoin de courage. C'est mardi. On est là pour ça, les copains. Radio. Your radio. infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un temps assez mitigé aujourd'hui sur l'ensemble du pays. De possibles averses sur la Bretagne, des orages sur le sud-est, de belles éclaircies partout ailleurs. Beaucoup de soleil notamment sur l'Occitanie et le Grand Est. 22 degrés cet après-midi à Paris, 24 à Marseille. C'est la douche froide pour le gouvernement et le chef de l'État. Le chômage a explosé le mois dernier en France. Une envolée de 1,4% par rapport à juillet, soit 50 200 demandeurs d'emploi supplémentaires, l'équivalent d'une ville comme Évreux ou Belfort entièrement mise à l'arrêt. La France compte ce matin plus de 3 560 000 chômeurs. Deux anciens grands flics en garde à vue à la police des polices, Bernard Squartzini, ex-patron de la DCRI, et Christian Flech, ancien chef de la PJ parisienne. Ils sont suspectés de trafic d'influence. L'ancien préfet de police Michel Godin a lui été entendu en audition libre. Vous vous souvenez sûrement du comité d'entreprise d'Air France du 5 octobre 2015. Le DRH avait eu la chemise arrachée. Les images avaient fait le tour du monde. Eh bien, l'affaire est jugée aujourd'hui à Bobigny. 15 prévenus dans le box. L'intersyndicale d'Air France appelle à la grève. Aucune réponse concrète pour les salariés d'Alstom Belfort. La direction a annoncé hier qu'elle gelait le projet de fermeture du site. En attendant les annonces du gouvernement d'ici à mardi prochain, les syndicats restent mobilisés. Les 9000 salariés du groupe sont appelés à faire grève à 11h ce matin devant le siège social d'Alstom à Saint-Ouen. À l'étranger, un jour historique pour la Colombie. Le président Santos et le commandant des FARC viennent de signer la paix. L'accord met fin à plus de 50 ans de conflit armé. Bruxelles vient d'ailleurs de retirer les FARC de la liste des organisations terroristes. Le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, c'était hier soir aux États-Unis. Échange musclé dans une ambiance parfois électrique entre les deux candidats à la présidentielle. Certains estiment que Hillary Clinton a pris un léger avantage. Il y aura encore deux autres débats avant le 8 novembre. Et puis il y aura deux prétendants français aux International Emmy Awards le 21 novembre à New York. La série 10% dans la catégorie comédie et le documentaire Gérard Depardieu Grandeur Nature. Le film Elle a lui été sélectionné pour représenter la France aux Oscars. En foot, deuxième journée de Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du FC Séville et Monaco opposé à Leverkusen. Les deux matchs ce soir à 20h45. La suite dès demain avec le PSG face à Ludogorets en Bulgarie. Il y avait du basket hier soir, le dernier match de la première journée de Pro A. Le CSP Limoges a peiné devant son public pour finalement s'imposer à l'arraché 75-70 sur Dijon. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Soyez les bienvenus, c'est mardi aujourd'hui. Peut-être que vous ouvrez tout juste les yeux. Pour les plus chanceux, soyez les bienvenus. On est là jusqu'à 9h. Et puis pour les autres, vous êtes peut-être déjà sur le chemin du travail. Peut-être même déjà arrivé au bureau pour ceux qui embauchent très très tôt. En tous les cas, où que vous soyez en France, qui que vous soyez, quel que soit votre boulot, nous on est très heureux d'être là chaque matin, 6h, 9h. Je vous présente Laure. Salut les copains. Je vous présente Clément. Bonjour. Je vous présente Pauline au standard. Coucou. Je vous présente le chaperon rouge sur les réseaux. Bonjour. Bien sûr. Perrette et son pot de bridélis. Je sais pas ce qu'il y a les filles en ce moment, mais alors en plus c'est l'automne, mais vous mettez des couleurs très vives, hein, les filles. Bah, les ça va, une bonne mine. Ouais. Bah, écoute, vous avez pas besoin de ça pour avoir bonne mine. Oh, c'est mignon. Vous êtes très belles, les filles, bien sûr, et Clément. Ah, tiens, oui. On parle d'amour. Attendez, il faut que je retrouve cette info. Elle est dingue. Elle va forcément vous intéresser. Que vous soyez célibataire ou pas, elle est là. Elle est dingue. Mm-hmm. C'est une info qui nous vient du journal Cosmo. D'accord. Je les remercie. Elle nous donne le moment où on envoie le plus de textos en France. Ah, tout le temps, moi. Quoi ? Tout le temps. Comment ça ? Bah, genre, on s'en envoie. Sexto ! Oui, bah sexto. Ah, sexto. Sexto. Mmh. J'ai même un dossier spécial dans mon iPhone. Mmh. Mais comment ça ? Bah, pour cacher les photos. Ah bon ? Bah, écoute, c'est pas parce qu'on est maman et qu'on a 40 ans qu'on n'a plus de vie. Mais je suis d'accord, mais je savais pas. Bah oui, ça entretient la flamme. Mais je le fais pas avec ma chérie. Ah bah tu devrais. Ah bon, ouais. Clément. Mais sexto, c'est pas que les photos, on est d'accord. Ça peut être j'aimerais bien te faire un bisou là. Ah bah oui, bien sûr. Attendez, les amis, sexto, c'est juste un peu ça. C'est du. Comment dire ? Voilà, du sexy. Bah oui. Oui, Pauline. Et moi, alors, elle me l'a téléchargé, l'application. Du coup, je suis tombée sur quelques photos à elle quand elle m'a montré. Mais moi, je sais pas quoi mettre dedans. Parce qu'on s'envoie pas des sextos avec. Ah bah toi, il a 102 ans. Tu peux pas, pour ses problèmes cardiaques et tout. C'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Ah, bah non. Ah, bah non. Bah, ça va faire le tour de la gériatrie. Pardonnez-moi. Bon, vous voulez l'heure ou pas ? Oui, bah oui. Pardon. Vas-y. J'en peux plus de cette équipe. Vous qui m'écoutez, je suis sûr qu'elle vous intéresse cette info. Vas-y. Et surtout, elle est, je sais pas, complètement hallucinante. Le moment où on est le plus intime avec son chéri, où on s'envoie le plus de textos, c'est le mardi entre 10h et 12h. Ah oui, pendant les réunions. Je sais pas. Bah ouais, c'est le moment où on manque le plus cruellement d'intimité, qu'on soit avec un garçon, qu'on soit avec une femme, peu importe. Ouais. C'est le moment où on a le plus envie de se dire des petites choses coquines, en tout cas des petits sextos, quoi, Nico du bureau. Effectivement, le mardi, c'est là, le week-end est déjà passé depuis longtemps, le week-end n'est pas encore proche, donc au final, mardi, 10h midi, c'est là où moi, en tout cas, j'en envoie le plus. Je sais pas si on reçoit. Hein. Mais pardon, j'aurais dit, franchement, peut-être que vous êtes de mon avis, j'aurais dit, je sais pas, moi, le vendredi soir, samedi soir, à 3h du matin, genre quand t'as bu un verre, quand t'as dîné chez des amis. Oui, alors. Non, mais le mardi, tout est permis. Non, là, je n'ai pas envie d'être sérieux. Vous sortez du studio. Non, mais ça permet de se reconnecter. C'est vrai que le mardi, le vendredi soir à 3h du mat, on est ensemble. Ouais. Le samedi, on est ensemble, etc. Ouais. Le lundi, on commence à manquer un peu de l'autre. Et le mardi, on est un peu. Okay. Voilà. Bah, en tout cas, je suis contente de savoir si vous voyez des personnes tout à l'heure à votre bureau entre 10h et midi textoter. Ils sont très certainement en train de sextoter. Faire des petites coquilleries. Et ça, vous avez raison, ça relance le couple. Imani, don't be so shy. On note, tiens, qui nous fait un petit peu du sexto, celui-ci. Don't be so shy, ça arrive dans un instant. Et pour le moment, les copains, bien sûr, il est temps de passer à la question de ouf. Question de ouf. La question de ouf. Et oui, Clément vous pose une question chaque jour. Et comme on a les meilleurs auditeurs de France, il nous a suffi, d'ouvrir un répondeur 01 84 07 08 09. Et on lit tous vos messages chaque matin. Et le mardi, on chante. Ce matin, on vous a demandé de chanter Amel Bent, Viser la Lune. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métis mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing encore plus haut, encore plus loin. Visez la lune, là ne fait pas peur, même à nous. J'y crois encore et encore. Les sacrifices, le poing en ferait. De répondre à cette question tous les jours. Prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure pour la question de ouf. Tout de suite, Imani, nous on est avec vous jusqu'à 9h, c'est le Virgin Tonic. Vraiment beaucoup, beaucoup de courage à vous pour ce mardi. Tonic. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. And my heart just raced so much faster. I dunk myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, aujourd'hui. Bon réveil à vous tous. Merci d'être là dans le Virgin Tonic. Et l'équipe qui est là aussi, bien sûr, et on vous accompagne chaque matin. C'est un tel plaisir d'être avec vous. Vraiment, courage à tous ceux qui sont peut-être tout juste en train d'ouvrir les yeux. D'autres sont déjà en voiture, d'autres sont à la maison en train d'enfiler un jean humide parce que vous avez oublié de le sécher, mais que vous avez plus ce jean. Donc quoi qu'il arrive, vous allez le porter, forcément. Et je voudrais vraiment faire un salut à Vincent. Vincent sur Facebook qui me dit « Salut Camille, voilà, j'ai une petite copine depuis 2 jours. C'est tout récent et ce week-end, on va faire notre première sortie officielle. Ouais. Je sais pas trop l'amener. » Il a frappé à la bonne porte. Non. Alors, je vais te dire, déjà, merci vraiment de nous écouter. Mais Vincent, alors moi, ça fait maintenant 102 ans que je suis en couple. Donc, malheureusement, les premières sorties, j'aurais pu trop aller. Clément, ça fait 102 ans qu'il est seul au monde. Exactement, mais du coup, j'ai plein de premières sorties. Et alors, tu l'amènerais où, une fille? On va demander l'avis des filles, hein, surtout où ça vous ferait plaisir d'aller, les trois filles de l'équipe, Clément. J'ai un pote qui a fait très fort, qui s'appelle Sébastien. Il a invité sa chérie pour un premier rendez-vous. Il se connaissait pas, c'était genre, je sais pas si c'est Tinder ou pas. Il a dit, viens, on va manger, je t'emmène au McDo. Et ça l'a fait marrer, ils sont ensemble encore, ça fait 2 ans. Et après, il a fait plein de trucs romantiques, mais pour le début, il s'est dit, on va pas se la jouer, on va se la faire cool et on voit si on s'entend bien. Non, non, non, là, il a eu de la chance. Mais non, elle avait de l'humour et lui aussi, et voilà quoi. Oui, non, mais après, là, justement, McDo, après, on peut faire comme on est, mais je veux dire, on peut y aller comme vous êtes au McDo. Mais je veux dire, il y a quand même à un moment donné un truc, peut-être il veut une idée qu'on n'aurait pas eu. Lors, par exemple, j'ai un premier rendez-vous avec toi, sincèrement. L'endroit où tu rêverais de faire ton premier rendez-vous, peut-être que Juju l'a fait ou pas d'ailleurs. Alors, Juju, il a fait très très fort au premier rendez-vous, puisqu'on était en Corse et qu'il a, il a réservé la plus belle table dans un restaurant qui était au bord de la mer, tout simple, mais au bord de la mer, avec le clair de lune. Franchement, c'était dingue. Et il a fait croire pour avoir cette table que c'était notre anniversaire de mariage. Du coup, à la fin du dîner, il avait oublié et les serveurs sont arrivés avec une bougie et ils nous chantaient joyeux anniversaire. Je trouve ça génial. C'est et énorme. Je crois que je suis tombée amoureuse de lui là. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Il prenait la carte bleue. Jamais, en Corse. Clément. Non, moi je conseille les promenades et les pique-niques. C'est romantique et ça coûte moins cher que privatiser une radin, toi. Un McDo et un pique-nique, Clément. Ouais. Non, mais c'est bon. Ma petite Pauline, tiens. Moi, j'adore les balades. Donc, William, il m'a emmené faire du vélo sur les quais de Bordeaux pour la première fois. Alors, ce qui était chiant à vélo, c'est qu'on pouvait pas trop se parler, du coup. Puis de toute façon, il roule doucement. Moi, j'aime pas. Je trace. Il roule doucement. Mais non, mais pourquoi vous pouvez pas parler à vélo? Vous êtes essoufflé. Bah non, mais c'est hyper chiant. Lui, il est essoufflé. Moi, je suis à fond. Genre, il fait les quais à fond. Mais un premier rendez-vous à vélo et tout. Alors, vraiment, je suis devenu un ringard, mais ça me dirait rien du tout, Laure. Non, mais si, mais à la limite, sur un tandem, un truc un peu fou. Oh, un vélo. C'est vrai que c'est fou. Attention, bienvenue dans les rendez-vous de l'extrême. Aujourd'hui, ils sont en tandem. Vont-ils s'en sortir? Ginger. Moi, je rejoins Clément parce que la dernière fois que j'ai eu un premier vrai rendez-vous, on va dire, c'était un pique-nique. Sauf que il avait fait le petit truc en plus. Il avait ramené une bouteille de champagne et des fraises Tagada. C'est vrai que alors, ça. Allez, je vais vous rejoindre. C'est vrai que le pique-nique, il y a moyen en fait. C'est vrai qu'on pense au pique-nique, tout ça. Il y a moyen d'en faire un truc très personnel. Je suis d'accord, Clément. Il faut en fait de l'originalité. Voilà. Tu t'imagines, elle en a vu 10 autres avant si c'est des sites de rencontre et ils l'auront tous emmené au resto, plus ou moins beau. Là, tu fais un truc original. Est-ce que Pauline, qui est au standard au 3916, tu as un chéri, toi? Salut, ma belle. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. T'as un chéri ou une chérie? Oui, alors nous ça va faire un an qu'on est ensemble. Et ton premier encart c'était comment? Ah, moi c'était une catastrophe. c'était, ça partait d'un bon sentiment, il était trop gentil, il était venu me chercher, on devait aller manger en extérieur et il m'avait bandé les yeux. Et ça, il m'a laissé conduire. Donc on a fini dans un champ et on a pique-niqué. Lorsque je les ai ouverts, il y avait peut-être 8 mètres de descente. Ah, et, pas 8 mètres, 8 mètres. J'ai des vertiges. D'accord. C'est un petit dîner romantique en extérieur, mais là avec le vertige. Donc il te connaissait pas assez, il a un peu foiré le truc. Ouais, un petit peu, j'étais pas trop rassurée. Mais des fois, c'est ça aussi qui fait qu'on tombe amoureux, c'est d'avoir un truc qui est tellement foiré qu'on peut tomber amoureux. Oui, Laure. Moi, je pense quoi qu'il arrive, faut faire simple, faut être soi-même, et c'est ça qui va faire la qualité du rendez-vous. Ça, je suis d'accord. Moi, je vous ai toujours donné un conseil sur cette radio. J'en ai pas donné beaucoup, mais j'en ai un. Plutôt qu'essayer de vous déguiser, de vous mettre des habits très beaux, d'acheter une nouvelle chemise, avoir peur de transpirer, pas transpirer, je vous jure, premier rendez-vous, même si c'est pas les habits de l'année les plus chers du siècle, mettez des habits dans lesquels vous êtes à l'aise. Ouais. Pas le survêtement Sergio Tacchini. Mettez-vous des habits dans lesquels vous mettriez, si vous faisiez un après-midi entre potes, que vous soyez à l'aise. Il n'y a rien de plus mieux que d'être à l'aise à un premier rendez-vous plutôt que d'essayer d'être plus beau gosse que vous n'êtes. Ouais. Je vous le dis. Valentin, est-ce que t'es en couple, toi? Salut. Salut Camille, salut à toute l'équipe. Salut. Ouais, je suis en couple, ça fait 8 mois. D'accord, avec un chéri ou une chérie? Avec une chérie. Et alors, ça s'est passé comment votre premier rendez-vous? Ben en fait, je suis allé pique-niquer. Voilà. Donc, un truc très romantique, hein. Sauf que j'ai oublié la nappe et on s'est assis sur la merde, enfin sur le caca de doigt. Sur un quoi? Caca doigt. Sur le caca doigt. Eh ben voilà, avec vos pique-niques là. Je vous dis, vos pique-niques, c'est pas génial ça. Vous m'écoutez pas, Nico du bureau? Faut pas trop chercher non plus l'originalité, mais un truc très romantique, ça marche à tous les coups. Moi, une fois, j'ai fait mouche parce qu'on avait fait un tour de grande roue. Et effectivement, tu vois, avec la bouteille de champagne, tu fais un tour de grande roue déjà. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, déjà, elle peut pas partir. Prenez des endroits où elle ne peut pas partir. Et puis, c'est très sympa. Et donc, t'as ouvert le champagne là. Ah, c'est mignon, oui. Ça, c'est joli. Ouais. Oui, Clément. Moi, j'ai une autre technique aussi, souvent, premier jour et tout, et je dis viens, on s'entend bien. Au bout d'une heure, tu dis viens, je t'emmène à Londres, là maintenant. Ah, comme, ouais. comme la personne, elle bosse et tout. Non, mais si j'avais fait, je le ferais jamais. Mais en fait, à chaque fois, elle fait t'es sérieux et tout. Je dis franchement, on prend tout, tu t'occupes de rien, on fait ça. Et à chaque fois, elles me disent non parce qu'elles bossent. Et en fait, j'ai pas prévu le faire, mais elles disent oh, il est fou, je l'adore. Et un jour, elles vont dire oui, bah j'ai que la Monéo, là. Je suis un peu. On en reparlera. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. Et merci, ma petite Pauline et mon petit Valentin, de passer sur l'antenne avec nous. On va écouter le frérot de la Vega, le cœur éléphant. Ah, ouais, c'est cool. Pas mal ça. Ouais. Bien sûr, les frérots qui arrivent sur Virgin Radio, ne bougez pas, j'ai un loyer à vous offrir aussi, un loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. En ce moment chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 29 octobre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Air France. France. La France. Is in the air. Tu les aimes, mes jambes? Ah oui, beaucoup, oui. Et tu les aimes comment? Longues. Oui, mais comment? Je sais pas, mais bronzées, tant qu'à faire. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Fort-de-France au départ de Paris à partir de 398 euros aller-retour, tout compris jusqu'au 29 septembre. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Jiffy fête ses 35 ans et nous fait gagner 35 millions d'euros. Tu télécharges l'appli Bravo Loto 100% gratuite, tu joues et tu gagnes. Je sais, j'ai déjà gagné. Chanceuse. Combien? 250 euros de bon d'achat sans condition. Et il y a aussi le jackpot minimum de 10 000 euros en cash tous les soirs. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Jiffy, des idées de génie. Hier, je me suis aperçu que mon phare avant droit ne fonctionnait plus et je voudrais changer l'ampoule toute seule pour réduire mes frais. Eh bien, commandez dès maintenant vos ampoules de phare sur oscaro.com. Oscaro vous propose tous les modèles d'ampoules, quelle que soit la marque de votre véhicule, jusqu'à deux fois moins cher. Merci du conseil, Oscaro. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Bonjour, c'est Miss Maf. Une estimation de tarifs pour votre assurance auto en deux minutes? Maf.fr sur smartphone. Vos réponses en quelques clics? Et v'lan, vous simulez votre tarif. Tarif indicatif sur smartphone. Tarif personnalisé au 3015. Service et appel gratuit. Au moins de 2 minutes. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et toujours pas mal de grisailles aujourd'hui sur le nord-ouest du pays. De possibles averses sur la Bretagne. Des orages attendus également sur le sud-est. En revanche, le soleil restera très présent toute la journée sur les autres régions, notamment de l'Occitanie jusqu'au Grand Est. Le mercure, vous aurez 19 degrés cet après-midi sur les côtes de la Manche. 20 à Strasbourg, Colmar et Chambéry. 21 à Lille, Nancy et Dijon. 22 degrés à Paris, Limoges, Lyon et Valence. On m'embête. 23 à Bordeaux. 24 à Toulouse, Marseille et Nice. 25 en Corse. 26 pour Paris, Perpignan. Virgin Radio. Virgin Radio. Lucas au 88 484. Les jeunes danois de Lucas Graham nous chantent la vie. Envoyez Lucas, L-U-K-A-S, au 88 484. Accédez au catalogue et téléchargez Seven Years, le tube de Lucas Graham, en sonnerie. Lucas au 88 484. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Virgin Radio, partenaire de la Hellrun Mariono. Une course en duo de 7,1 km. Des cours de yoga, une course pour enfants. Des animations beauté et de nombreuses activités. Venez courir seul ou en duo. Rendez-vous le 16 octobre au Bois de Boulogne. Inscription sur L.fr. Et pour gagner vos dossards, tentez votre chance sur virginradio.fr. Hellrun Mariono avec Virgin Radio. Vous rêvez d'un enfant, la chair de votre chair, votre petit bébé, envoyez famille au 71 777 et nos experts vous diront si vous allez bientôt devenir maman. Famille FAMI2. Faites-le au 71 777. Ça arrivera peut-être plus tôt que vous ne croyez. Envoyez famille au 71 777. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Now. Le nouveau Philippe Jean. I am the bonfire, you make me stronger. Le nouveau The Chainsmokers. Katy Perry. Virgin Radio. Pop, rock, electro. Tout de suite. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous nous rejoignez tout juste, vous avez raison en tout cas de choisir le Virgin Tonic pour démarrer vos journées, pour bien démarrer ce mardi. Je sais qu'à cette heure-ci, voilà, il y a encore plein de gens qui sont encore en voiture et puis d'autres qui sont déjà arrivés au travail. Quoi qu'il en soit, vous le savez, pour bien démarrer vos matinées, on vous paye votre loyer. C'est tous les matins, 6h20, 7h20 et 8h20. Parmi tous les SMS reçus, loyer au 7-12-13, on en tire un au sort et on vous fait un chèque du montant de votre loyer, du montant de votre mensualité de crédit. C'est aussi simple que ça. Je vous pose une question, vous me répondez Virgin Radio. On est la seule radio à vous offrir ce beau cadeau. Et le chèque est pour vous, évidemment, le chèque, vous le dépensez à votre bon vouloir. Bah oui, à ma guise. À ma guise, mais voilà. Exactement, vous en faites ce que vous voulez de ce chèque. Allô, qui est là? Allô? Allô, bonjour. Oui. Bonjour, qui est là? C'est Aurélie. Aurélie, salut, t'habites où, Aurélie? À Sartrouville. D'accord, t'as l'air très stressée, ma belle. Oui, un peu. D'accord, je vais te poser une question, ne stresse pas. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Oh non, non, non, non, non, non. Oh ma belle, t'es déjà au travail toi, hein? Oui. Eh oui, on sent. Tu sais, parce que je connais bien le téléphone, c'est là, ça c'est le son cache d'escalier, ça. Ouais. Là t'es entre le deuxième et le troisième. C'est les toilettes. C'est les toilettes. Mais là, ça va faire un moment que je fais pas piquer au bon endroit, je imagine. Tu comprends mieux l'odeur. Oh là là là là, ma petite Aurélie, tu fais quoi dans la vie à Sartrouville? Je suis comptable. D'accord, ma belle. Mais alors, sois heureuse, hein, ma chérie. On va te faire le chèque cette semaine. En tout cas, ça va te filer un bon coup de main. Je sais que c'était les impôts, voilà. Il y a encore quelques jours. Il y a plein de frais. Voilà, c'est la rentrée, les enfants, les fournitures scolaires. J'espère qu'on va te filer un bon coup de main. Je vais te faire un chèque de combien, Aurélie? De 1486 euros. Eh ben ma belle, je suis très très très heureux. Tu rejoins Audrey, notre première gagnante ce matin. On a donc déjà offert pour 2200 euros de loyer ce matin. Ouais. Et on va continuer comme ça avec un dernier tirage au sort à 8h20. Loyer au 7-12-13 par SMS là encore pour vous inscrire. Et vous rejoindrez peut-être la petite Aurélie. Ça va ma belle? Oui. Oh ma belle, écoute, je suis trop trop trop content vraiment. Et même les gens, que désolé qu'on peut eu la chance d'être tiré au sort, voir comme t'es ému, je suis sûr ils sont contents que ce soit toi. Surtout que on vient de acheter une maison depuis l'année et on fait que plein de travaux. Ah, vous étiez en travaux? Elle vient d'acheter une maison. Et on fait des travaux depuis l'année. On va peut-être pouvoir changer notre chauffage pour. Oh, et ben écoute, vraiment. Et ben alors vraiment, si ça te file un bon coup de main, ma chérie, je suis content. Merci, Camille. Oh, ben t'es un ange, ma chérie. T'embrasse très fort ton chéri. Oui, et puis mon petit garçon que j'aime. Eh ben voilà. Malade en ce moment. Eh ben très bien, ma belle. Je t'embrasse très fort. D'accord. Merci. Sors des toilettes, ouais. Ma belle. Sors des toilettes. Les gens ils doivent se demander ce qui se passe en train de tomber dans les toilettes. D'accord. Bon, t'es un amour. C'est des toilettes turques, on comprend plus ce que tu dis. Ma petite chérie, et vraiment, je te le dis vraiment, sincèrement, vraiment, ça nous touche beaucoup. On va te laisser, on va te reprendre même hors antenne. Voilà, on veut que tu sèches tes larmes, d'accord? D'accord. Allez, je te fais plein de bisous, ma belle. Passe une bien belle journée. Les copines, elles doivent dire, mais qu'est-ce qu'elle a pleuré dans les toilettes? La pauvre Aurélie. Oh là là, on veut faire plaisir. C'est vous peut-être le prochain gagnant dans une heure. Et tout de suite, c'est les frères Rodé La Vega. Le cœur. Éléphant. Ils sont bons, mais ils sont bons. C'est des petits génies. À tout de suite. Salut, c'est frères Rodé La Vega dans Virgin Tonic. Le cœur éléphant. Je pars en voyage, mon âme en rang, le cœur éléphant. Je suis parti ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sous les épaules des géants, le cœur éléphant. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prend prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Septembre. Allez, courage, courage, bientôt 7h30 les amis. Vous êtes peut-être sous la douche, d'autres sont déjà en voiture, hein. Plein de bouchons, je sais, partout en France. On est de tout cœur avec vous, les copains. On vous a préparé l'actu, ça arrivera comme tous les matins aux alentours des 7h30 avec tous nos journalistes. Et puis juste après, Clément, c'est quoi ? Le réponse à tout, je descends dans la rue, je papote avec les enfants et là je parlerai de sport avec eux. Ah ben, t'es un professionnel. Mais c'est mon domaine. Bah, bien sûr. On n'a pas encore parlé de ce qu'il y avait à la télé ce soir, les copains. Ouais, c'est ce qu'il y a, j'ai choisi ce que j'allais regarder. Moi, direct, il y a mon film préféré. C'est quoi ? France 4, Slumdog Millionnaire. Ah, t'aimes bien ce film ? Mais il est extraordinaire. Il y a la plus belle actrice du monde qui est dedans, qui s'appelle Freda Pinto, une belle indienne. Tu vois, c'est le film où c'est comme qui veut gagner des millions, mais en Inde. Et je l'ai jamais vu, je crois, Slumdog Millionaire. Non, je l'ai jamais vu. Mais il est extraordinaire. En fait, c'est comme Jean-Pierre Foucault indien. Il y a un mec qui sort de rien, qui a aucune culture et qui arrive en finale prêt à gagner un million. Il se fait arrêter par la police, torturé. Et ils disent pourquoi t'as toutes les bonnes réponses. En fait, des hasards de la vie par rapport à des gens qu'il a croisés, des pièces qu'on lui a données et tout. La vie lui a donné la chance d'avoir toutes les bonnes réponses. La musique est trop bien. Et le film est sublime. J'ai envie qu'on se conseille tous de la télé. Okay. On se dit tous, vous savez quoi, vous tous là, appelez-nous, tiens, 3916, on a qu'à prendre, j'ai envie de parler à une jeune fille, j'ai envie de parler à Élise. Salut Élise. Salut, salut Camille, salut toute l'équipe, ça salut. Va salut. Salut. Élise ma belle, essaie de trouver un programme télé près de toi. Je veux tous qu'on se conseille. Un petit truc à regarder à la télé ce soir. Ok, Laure, voilà, par exemple, tu vas regarder quoi? Je suis sûr, il y a plein de gens qui pensent déjà ce qu'ils vont regarder à la télé ce soir. Moi, ce soir, je regarde Rendez-vous en Terre Inconnue sur France O. C'est pas mal. Je suis fan de cette émission et quel que soit l'invité, elle est géniale, l'émission. Et c'est mon rêve de le faire. Sur France O, c'est une rediff. Oui, c'est une rediff. Je crois que c'est Zabou, mais je suis pas sûre. Mais même si je les ai déjà vus, je les revois toujours. J'avoue, j'aime bien. Franchement, j'ai rarement l'occasion de voir, bizarrement. Mais alors, quand je tombe dessus, je reste. Et j'adorerais qu'on m'emmène comme ça, qu'on me fassera. Dans un Terre Inconnue? Ouais, qu'on me dise quoi. On va t'amener à une caisse. C'est là où tu payes en fait. Ouais. Quand t'as pris un truc, ça va te faire bizarre. Alors, voici Monique, caissière. Et elle va prendre ta carte bleue pour payer ce que tu viens d'acheter. Voilà, c'est un beau moment d'échange. Oui, Clément. C'est peut-être un peu loin le supermarché, peut-être qu'on peut l'emmener après 10h au bureau. Pauline, au standard, tu conseilles quoi, tiens, ce soir à la télé? Le Pacte sur W9, parce que c'est un film avec Nicolas Cage. J'adore Nicolas Cage. Nicolas Cage, on aime bien Nicolas Cage. Je l'adore, je trouve que c'est un acteur super. Et à chaque fois, ces films, c'est toujours hyper original. Et là, il y a un suspense de dingue jusqu'au bout, donc évidemment, je ne vais pas spoiler le film, mais s'attendre à un truc. On est sur un film. Clément, tu conseillais quoi? Slumdog Millionnaire avec la plus belle actrice du monde. Élise, tu nous dis ce qui te séduit le plus. Dis-moi, ma belle. Bah, moi, ce qui me séduit, j'ai même pas besoin que tu me rappelles tout. C'est direct Slumdog Millionnaire. Ah ouais. Voilà.

les amis, courage, courage. Si vous ouvrez les yeux, d'autres, je le sais, sont en train tout juste de monter dans la voiture. Vous vous rendez compte que c'est votre femme qui a pris la voiture en dernier. Faut régler tous les rétros, tous les sièges. Attention, s'il reste une portière, c'est déjà la chance. Oh. Plus personne ne réagit. Non, mais quand même. Mais c'est incroyable cette équipe. Je fais la blague de les femmes conduisent mal et j'ai aucune femme qui dit, mais quand même, c'est pas vrai, Laure. Bah oui, mais toi, Laure, c'est pas vrai. Ah oui, mais moi, je sais, je vais vouloir parler, tu vas me charrier. Donc voilà, non, je laisse faire maintenant. Je suis désolé, c'est les deux femmes que je connais qui conduisent, c'est ma chérie. Alors, elle aime pas conduire, elle assume complètement. Et Laure, et alors Laure, je vous jure, 100 mètres en voiture avec Laure, mais vous sortez, vous embrassez le béton quand vous sortez de la voiture, Laure. Non, mais en plus, vous êtes hyper méchant, c'est injuste cette réputation. Je conduis hyper bien, j'ai eu deux accidents dans ma vie, vous étiez témoin. Surtout, et c'était le même jour. On l'a déjà dit dans cette équipe, je plaisante souvent, mais on l'a déjà dit, il y a un vrai chiffre qui prouve que les hommes ont plus d'accidents en voiture que les femmes. Les copains, on est très heureux d'être là, vraiment. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des physiques bizarres dans cette équipe. On est là chaque matin, 6h, 9h, à vos côtés. C'est mardi, aujourd'hui, dans un instant, le réponse à tout. Oui. Le réponse à tout de Clément Lincruse qui va arriver. On écoutera Kungs, mais surtout, je vais vous offrir un iPhone 7. Yes. Un iPhone 7 à gagner. On en offre tous les matins. N'hésitez pas à vous inscrire. Appelez-nous maintenant au 3916. On va jouer avec vous dans un instant au Qui dit mieux. Ouais, ah, cool. Ça vous dit? Ouais. Eh ben, on va jouer au Qui dit mieux dans un instant pour un iPhone 7. Restez bien avec nous dans le Virgin Tonic. Mais pour le moment, c'est parti. Réponse à tout. Virgin. Réponse à tout. Eh oui, les enfants, réponse à tout. Ah tiens, j'ai une info marrante. Ouais. Oui. J'ai une info marrante. Est-ce que vous savez que selon un magazine féminin, 13% des hommes seraient prêts à coucher pour réussir? On est prêts à coucher pour réussir. C'est que les gens, ils veulent pas, nous, en fait. Ouais. Alors... Bah, 100% sont prêts à coucher pour rien, donc voilà. 13% pour réussir, ça me choque pas. Tu vois? C'est vrai que 100% c'est à coucher juste comme ça, juste pour coucher. Pas choquant comme info, quoi. On est prêt à coucher pour rater, donc c'est bien, en fait. Ouais, je crois qu'on a tout dit. Qu'est-ce que je vous dise? Réponse à tous les enfants qui ont les réponses pour Clément. Et on discute ensemble de sport ce matin, d'abdos, de muscu. Les adultes, ils vont dans des salles de sport. Pourquoi ils s'enferment dans des salles et en plus ils payent pour faire du sport, à votre avis? Parce que c'est des pigeons. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, tu peux faire du sport sans payer, c'est vrai. Ok, mais là, si tu veux faire des pompes et tout, on va te regarder bizarre et tout. Ouais, mais si on le fait dans la rue, on gagne de l'argent, non? C'est aussi les gros snobs du bureau, ils veulent que être entre eux et tout. Et en plus, à la salle de sport, genre, il y a une bonne ambiance et tout, t'es tranquille, t'as un intérieur, t'es au calme, tu fais ton sport et tu repars quand tu veux. Contrairement à la rue, on n'a pas le droit de se mettre torse nu, parce que les lois l'interdisent et on paye une amende. La salle de sport, on peut montrer nos biscottos tout en séduisant les filles. Et est-ce que vous pensez que ça marche, la salle, ou pas? Bah ouais. Genre, tu vas à la salle, tu t'inscris, tu ressors vraiment comme un beau gosse? Moi, je pense que la salle, pour les mecs, c'est plutôt pour se rincer l'œil. Et aussi, surtout, si quand t'as pas c'est un corps de lâche, si t'as des corps de lâche, des corps de madeleine, moi d'abord, je te conseille de faire chez toi. Et après, dès que tu commences à te former des petits biscottos, des petits abdos, et bah, tu vas à la salle de sport. Et là, tu deviens un mec populaire. Réponse à tout! Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Prochaine réponse à tout, ce sera demain, mercredi, à la même heure, évidemment. Et tout de suite, il a 19 ans, il s'appelle Valentin, il vient d'Aix-en-Provence. C'est Kungs, Don't You Know, sur Virgin Radio. Excellente matinée à tous. Let's go! Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Tonic. Virgin. Virgin. The only thing I want is to taste of your heart. And I'm going. I'm gonna ride. Là, les copains, mardi 27 septembre aujourd'hui. Et vous êtes là avec nous sur Virgin Radio, un peu plus nombreux chaque matin. Vraiment un grand merci d'avoir changé vos habitudes pour nous, pour rejoindre Laure, pour Salut. Rejoindre Clément, bonjour. Pour rejoindre Popo du Standard. Bonjour. Attention aux bouchons les amis, soyez prudents, prenez votre temps, nous on vous accompagne jusqu'à 9h. Et on a des beaux cadeaux. Je vous parlais d'iPhone 7 si vous étiez avec nous. L'iPhone 7 je vais vous l'offrir tout à l'heure. Ouais. Mais attention, quand je prends un engagement devant les Français, je le tiens. L'iPhone 7... Je l'offre ce matin, on en offre un tous les matins, vous le savez, j'en offrirai un, mais pour le moment, je voudrais jouer pour la PS4 avec le jeu FIFA 17, là encore c'est un beau cadeau, on va jouer au qui dit mieux, c'est parti. Virgin Tonic, qui dit mieux, Virgin Tonic, qui dit mieux, Virgin Tonic, qui dit mieux, Virgin Tonic, qui dit mieux, bah mieux. Le qui dit mieux, c'est très simple, c'est un jeu d'enchères de bonnes réponses, je vais vous donner un thème, ensuite chacun votre tour. Vous ferez des enchères sur le nombre de bonnes réponses que vous pensez pouvoir donner. D'accord ? Il y a plusieurs échanges, vous dites tant, l'autre dit tant, l'autre dit tant, l'autre dit tant. Et ensuite, celui qui décroche la plus grosse enchère, eh bien, devra vraiment donner les bonnes réponses. Okay. Okay. Vous pouvez faire de l'esbrouf, dites que vous pouvez faire 10 bonnes réponses alors que c'est faux. Et celui dit de, qui remporte l'enchère, eh bien, repartira donc ce matin avec la PS4, le jeu FIFA 17. Deux personnes vont s'affronter ce matin. Deux personnes, je voudrais qu'on salue déjà Marie qui est avec nous. Bonjour Marie. Salut les copains. Salut. Salut. Comment tu vas là Marie? Tu viens d'où? De Toulouse. De, non, pas ton âge. Non, non, de Toulouse je viens. Bien je viens d'entendre l'accent. De Toulouse, la petite Marie. Et face à toi ce matin, je te présente David. Salut David. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Salut. David mon poteau, tu viens d'où? Je viens de Paris. Paris, bien sûr, un peu plus au nord que Toulouse. Paris face à Toulouse, Toulouse face à Paris. Et là, pour le moment, attention les amis, vous êtes l'un face à l'autre, mais vous représentez vos villes et surtout l'un des deux va repartir avec la PS4 et le jeu, grâce à EA Sports, le jeu FIFA 17. Pour ça, les amis, je vous donne un thème tout de suite. Vous me dites combien de bonnes réponses vous pensez pouvoir donner. Vous avez droit à plusieurs enchères. Je vais vous demander de me citer des méchants de Disney. Des personnages, c'est important. Des personnages, vraiment des méchants, hein, pas juste des gars un peu méchants, des vrais méchants de Disney. Attention, Marie, tu penses pouvoir donner combien de bonnes réponses? Très vite. Une bonne réponse. Une bonne réponse. Combien pense pouvoir en donner David? Je pense 3. 3 bonnes réponses. Marie, combien de bonnes réponses? Tu penses pouvoir faire une meilleure enchère que 3 ou pas? Oui. Combien? 4. 4. Alors on va dire 5. David part sur 5, je rappelle c'est le jeu des enchères, qui dit mieux. Marie, tu laisses la main? Je laisse, oui. Je pense que tu l'as joué petit bras, Marie, parce que 5 c'est pas si difficile. T'aurais même, même si tu peux pas plus, t'aurais peut-être dû faire une esbrouffe et essayer d'en faire un peu plus. Attention, David, tu dois me citer 5 méchants de Disney. C'est à toi si tu y arrives, la PS4 est pour toi mon pote. Alors, Jafar de Aladdin. Dans Aladdin. Scar du Roi Lion. Ouais. Ouais. Je prends. Ursula de la Petite Sirène. Ouais, bien sûr, je prends. Cruella des 101 Dalmatiens. Bien sûr, on prend. Et le vilain Hadès du Hercule. Hadès. Ouais. Dans le dessin animé Hercule. C'est Disney. Ah. Hercule. Eh oui. Oui, oui. C'est Disney, c'est Disney. J'ai la vérification devant moi, Marie. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. C'est David qui gagne la PS4 ce matin. Bon, bravo David. Oh, et Marie, elle est bonne joueuse. Marie, elle est bonne joueuse, elle a bien raison. Marie, je te l'ai dit, c'est un jeu qu'on fait souvent. Même si tu n'as pas plus de 5 bonnes réponses, il faut parfois mentir un peu pour que l'autre aille se planter. Ouais, écoute, ouais. Marie, t'as joué. Il voulait tellement de ça que. La vie. Eh ben, t'es sympa. On dirait qu'ils sont en couple ensemble. David, mon bichon, je suis très heureux pour toi. Bah, du côté de Paris, on va t'envoyer la PS4 et le jeu FIFA 17. Je veux bien l'autocollant. Virgin. Ah bah écoute ma chérie, je te l'offre avec plaisir, c'est l'autocollant officiel de l'émission. C'est Je rigole pas tout seul, j'écoute le Virgin Tonic. Ah bien sûr. Eh ben je te l'envoie ma belle, vous pouvez tous nous le demander. On vous l'offre bien sûr aussi sur les réseaux, vous êtes sur Twitter, sur Facebook. Tout de suite on écoute Bruno Mars et je vous le rappelle, hein, iPhone 7 à gagner avant 9h, bougez pas. Virgin Tonic. Something about yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Sur Virgin Radio, c'est mardi aujourd'hui, le 27 septembre. Dans un instant, je vais vous payer votre loyer. Loyer au 7-12-13 par SMS. On aura déjà le dernier gagnant de la matinée aux alentours des 8h20. N'hésitez pas à vous inscrire. So I'm taking my time on my ride. 21 Pilots, voilà ce que je vous ai préparé pour le Pop Rock Electro. On est avec vous jusqu'à 9h. J'espère que vous passez une belle matinée. On est là en tout cas pour vous donner du courage chaque jour. Annuaire de référence pour trouver un restaurant indien. 118-712.fr. Air France. France. La France is in the air. On la reconnaît à des kilomètres à la ronde. Éventail fleurs de lotus, lunettes de soleil et robe col Mao, la française en Chine a décidément de l'allure. Ni hao, bonjour. Air France. France. La France is in the air. Avec Air France, découvrez Pékin au départ de Paris à partir de 488 € aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarifs aux frais de service pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour. La question qui fâche, puis-je avoir une estimation en deux minutes pour mon assurance auto? Non, bien sûr. Si, bien sûr. Et comment? MAF.fr sur votre smartphone. Vos réponses en quelques clics et vous simulez immédiatement votre tarif. MAF.fr sur mon smartphone et en deux minutes? Voilà. Mais si vous préférez, on peut aussi vous rappeler. Aussi?

Et Fredo est rentré dans son nouveau délire de je ne serre plus la main de personne, je ne fais plus la bise à personne, puisque Fredo est... Nous ici on le surnomme Swiffer. C'est le gars le plus hypochondriaque au monde. Il se met du gel hydroalcoolique toutes les deux secondes. Il veut même plus nous approcher. Ça va Fredo? Ça va mon cam. Attention, t'es pas le premier à parler dans le micro. Non mais j'ai viens de changer la bonnette. C'est vrai. Alors on va tous, vous savez ce qu'on va faire. Mon Fredo, tu vas élire le plus hypochondriaque de l'équipe. Toi t'es imbattable. Moi je suis imbattable. T'es le PDG. Je suis dans la teucade, je suis au top. Ah non mais il peut même pas. Vous savez que Fredo, il est tellement toqué de notre patron de la radio. Vous savez que il a peur de tout, il est hypochondriaque. Et quand il fait du scooter, il met toujours les pieds, il continue de toucher le béton. C'est dangereux. Je vous promets et je vous jure, il est obligé de changer de basket tous les 3 mois parce que les semelles sont usées. Oh parce qu'il a tellement peur de tomber qu'il met les pieds et ça fait... Je raconterai pas la pire de la tocade. Il y a pire, je sais. Oui, Laure. Faut mettre des petites roulettes derrière. Tu les as enlevées depuis combien de temps, les roulettes sur le scooter, Fredo? Non, bah, je vais les remettre d'ailleurs. Oui, Clément. Faut surtout mettre des talons, comme ça, quand t'arrives, hop, ça fait des chaussures plates. C'est le roi de la tocade. Vraiment, notre Fredo, il a peur de tout, et là, avec l'automne qui arrive. Alors, on va tous raconter un truc qu'on a. On est tous un peu hypochondriaques. Hein. Ouais. Et tu vas devoir nous dire, selon toi, Fredo, qui est la personne qui te rejoint le plus? Moi je sais que je suis assez dingue hein. Moi j'ai déjà sorti Laure parce qu'elle avait des poux. Donc je l'ai sortie. Elle a dû faire toute l'émission en dehors du studio. Je suis aussi, vous savez, je suis ce gars qui dès qu'il sort des toilettes, il sort avec les coudes. Ah oui, mais même si la porte est à tirer, j'appuie avec mon coude comme ça, je tire, il y a l'autre coude qui vient se mettre. Après j'ai tout un truc, on dirait que je danse la Macarena. Mais j'ouvre la porte sans les mains. Mais Fredo, moi pire, quelqu'un qui a la gastro chez moi, je vous jure que c'est vrai, je vais louer une chambre d'hôtel. Il est fou. Non mais notre patron Fredo là-dessus, il est fou. Laure, est-ce que t'as un côté un peu hypochondriaque? Ouais, moi je suis pas mal aussi en hypochondriaque. Bah moi déjà je me balade toujours avec une trousse de médicaments. Donc comme vous pouvez le voir, hein, vous la connaissez puisque vous venez tous me taxer tous les matins dès que vous avez un problème. Et en fait je connais toutes les contre-indications et toutes les indications de tous les médicaments. Ah c'est génial. C'est vrai que Laure, franchement, c'est une pharmacie. Elle a toujours tout sur elle. Elle prend même la carte vitale. Mais c'est incroyable. En vrai c'est comme une pharmacienne. Nico du bureau. C'est plus de la prévoyance au final avec Laure parce qu'elle est pas très hypochondriaque. Moi par contre, par exemple, quand je croise quelqu'un dans la rue et que quelqu'un qui tousse sans mettre la main devant sa bouche, je retiens ma respiration pendant 30 secondes. Mais moi je peux pas marcher sur les bouches de métro et tout. Avec le souffle chaud, j'ai l'impression que c'est des infections qui montent. Ah mais je suis capable de rester en apnée genre pendant une minute tant qu'il y a je me dis il y a des miasmes encore qui vont arriver. Je sais même pas si c'est pas plus un truc de garçon que de fille peut-être d'être hypochondriaque, non? Je suis hyper hypochondriaque hein, c'est pour ça que j'ai tout ça sur moi. Pauline, tu l'es un peu toi? Ah moi je le suis vachement au point même que j'ai un médecin qui veut plus me voir donc c'est vrai. Et non et moi j'ai un truc même en soirée, j'ai un gros problème, c'est-à-dire que j'adore faire la fête et tout, mais c'est très compliqué de faire la fête avec beaucoup de monde sous autour de toi quand t'es hypochondriaque. Du coup, moi quand j'ai un verre en plastique, je note mon nom dessus même s'il n'y a pas les noms. Oh non, tu fais pas ça. Je te le jure et je prendrai toujours celui qui est au milieu de la pile qui a jamais été touché pour par personne. Ah, donc tu fais partie de ces gens qui essuient la bouteille avant de boire? Mais évidemment, enfin déjà si quelqu'un a bu, je ne bois pas dedans. Ah ouais. Ah oui. Fredo, est-ce que tu peux boire une bouteille que quelqu'un a déjà bu? Ah non, mais déjà, faut qu'on l'ouvre devant moi. Ouais, moi aussi. Ah bon? Faut qu'on la décapsule devant moi. D'accord. C'est pour ça qu'on a plus d'eau potable à Virginie. C'est toi, c'est pour pas qu'on puisse boire dans les mêmes verres. Exactement. Mais je reviens sur ce que disait Nico du bureau. C'est-à-dire que moi, quand je croise quelqu'un, j'arrête de respirer. Non. Une vie en apnée. Il est bizarre, mais tout ce qu'il dit est vrai. Clément, est-ce que t'es un peu hypochondriaque? Moi, pas du tout, je pense. Je suis jamais malade, je suis jamais sous, je suis jamais rien. Mais si, il y a peut-être un truc, je peux manger des aliments périmé depuis 3-4 jours. Oh, okay, non, mais je peux le faire, mais quand je le fais, je bois un litre d'eau après. Je me dis, ça passera mieux, parce que sinon, ça me rend malade. Mais ouais, sinon, non. C'est le moment où tu te sens pour un héros parce que tu manges un yaourt qui est périmé depuis 2 jours. Et qu'est-ce que je crains, moi? Qu'est-ce que je crains? Je suis un aventurier, moi. Alors, franchement, Fredo, toi qui nous connais tous bien. Ah bah, j'ai pas eu toi, par contre. Ah bah, moi, j'ai pas eu. Voici le coude. Ah non, écoute, j'ai tout, mais moi, je suis un hypochondriaque. Vous rentrez chez moi, c'est un appartement témoin. On dirait, je vous jure, c'est pas possible. Je suis très malade, je suis très hypochondriaque, moi. Oui, non. Et toi aussi, t'as le gel hydroalcoolique toutes les 5 minutes, hein. Tu t'en rends plus compte, mais. Et moi, alors, dans le studio, il faut savoir aussi que je suis un petit peu en phase 2 et que personne n'a le droit de passer mon périmètre. Personne n'a le droit de rentrer dans mon périmètre de sécurité. C'est pas possible. Alors, attention. Les amis, Fredo, qui je rappelle est quand même, pardon Fredo, le plus taré d'entre nous. Selon toi, qui est le plus hypochondriaque, franchement? Bon, déjà j'élimine Laure. Elle est calme, Laure, c'est vrai. Elle est très calme. C'est, on va dire, c'est un délire maman. Clément, bon bah alors là c'est un gadget. Pauline et Nico du bureau sont un peu dans mes délires. Parce que Pauline, je la rejoins au niveau des verres. Nico du bureau au niveau de la soufflerie dès qu'on croise quelqu'un. Mais pour connaître bien une personne, au niveau de la tocade et de la maladie, je vais mettre Camille Combal. Mais ça m'étonne pas. Je pense en vrai, je vous promets, et c'est pas une qualité, hein, mais je pense être plus taré que vous tous. Même moi. Hein? Non, non, toi c'est impossible. Toi c'est impossible, tu bois le gel hydroalcoolique. C'est le vrai souci, quoi. Nico du bureau. Et puis toi tu trouves des excuses. Par exemple, tu viens à la maison pour jouer à FIFA avec ta manette. Et tu dis non, mais c'est parce que je préfère ma manette. Ah, mais moi je vais avec mes manettes. Alors qu'en fait, la manette. On sait que c'est parce que t'es hypochondriaque. Ah ouais? C'est un ou pas? Bah, j'assume, les gars. J'assume. Oui, Pauline. Tu prêtes pas ton portable à quelqu'un pour téléphoner? Tu peux pas? Ça, c'est une bonne excuse pour pas que ma chérie le voie. C'est autre chose, c'est pour moi. Ça reste avec nous sur Virgin Radio. La radio la plus clean de toutes les radios, les amis. Je peux vous dire, alors nous, vraiment, on est remboursé par la Sécu, 100% d'hygiène garantie. Restez là, 21 Pilots. Tous leurs rappels BCG sont à jour. Ils viendront chanter dans un instant Ride. Le temps de faire un petit point sur l'actu avec tous nos journalistes. Bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un temps assez mitigé aujourd'hui sur l'ensemble du pays. De possibles averses sur la Bretagne, vous aurez des orages sur le sud-est et puis de belles éclaircies partout ailleurs. Beaucoup de soleil notamment sur l'Occitanie et le Grand Est. 22 degrés cet après-midi à Paris et Lyon, 24 à Marseille. Les jeunes, les seniors, les chômeurs de longue durée, non seulement ça ne va pas mieux, mais c'est même de pire en pire. Le chômage a connu le mois dernier une hausse inédite depuis janvier 2013. Un bond spectaculaire, une explosion de 1,4% en un mois, soit 50 200 personnes de plus sans emploi, 3 560 000 chômeurs. Et c'est une des réponses au chômage. Le géant Amazon souhaite implanter un cinquième entrepôt en France. Le bâtiment de 107 000 mètres carrés pourrait ouvrir dès l'an prochain à Amiens, dans les Hauts-de-France, avec à la clé la création d'un millier d'emplois. L'intersyndicale d'Air France appelle à la grève. Aujourd'hui, le mouvement ne devrait toutefois pas avoir d'impact sur le trafic aérien. Il a pour but de soutenir les 15 salariés ou ex-salariés jugés aujourd'hui et demain à Bobigny. 15 prévenus dans le box des accusés pour l'affaire des violences commises en 2015 sur des dirigeants d'Air France. Aucune réponse concrète pour les salariés d'Alstom Belfort. La direction a annoncé hier qu'elle gelait le projet de fermeture du site en attendant les annonces du gouvernement d'ici à mardi prochain. Les syndicats en attendant restent mobilisés. Les 9000 salariés du groupe sont appelés à faire grève à 11h ce matin devant le siège social d'Alstom à Saint-Ouen. Des soupçons sur d'anciens grands flics, Bernard Squarcini, ex-patron de la DCRI, et Christian Flèche, ancien chef de la PJ parisienne, ont passé la nuit en garde à vue. La police des polices les suspecte de trafic d'influence. Leur audition se poursuit. Les insultes sexistes touchent presque autant les garçons que les filles. C'est le résultat d'une étude menée dans les collèges et lycées d'Île-de-France, publiée ce matin dans Le Parisien. Les filles sont le plus souvent moquées sur leur tenue vestimentaire, les garçons sur leur poids. Une campagne contre le harcèlement scolaire sera lancée le 26 novembre et France 3 diffusera ce soir le film Choc Marion, 13 ans pour toujours. Le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump hier soir aux USA, échange musclé dans une ambiance parfois électrique entre les deux candidats à la présidentielle. Certains estiment que Hillary Clinton a pris l'avantage. Il y aura encore deux autres débats avant le vote du 8 novembre. En foot, deuxième journée de Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du FC Séville et Monaco opposé à Leverkusen ce soir à 20h45. La suite demain avec le PSG sur la pelouse du Ludo Goretz. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil avec Virgin Radio. Je voudrais vous souhaiter une très très belle matinée. Vous remercier de démarrer vos journées sur Virgin Radio. On pense forcément aux collégiens, aux lycéens à cette heure-ci qui sont peut-être encore sur le chemin des cours. On pense aux mamans en train de déposer les enfants à l'école. Courage à vous pour ce moment de tristesse quand vous avez juste une veste au-dessus du pyjama. Essayez d'éviter les regards de tout le monde en mode c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est pas pourquoi il y a toujours cette maman qui elle est sapée de ouf. Mais pourquoi? Mais comment elle fait? À quelle heure elle se lève? À quelle heure elle se lève pour avoir trois enfants qui sont les meilleurs de la classe et qu'elle elle arrive mais affûtée de la tête aux pieds. C'est pas incroyable. C'est pas normal ça, non. Pauline, au standard. Mais ça c'était ma mère, parce que ma mère elle faisait un footing avant d'aller travailler et donc avant aussi d'aller travailler elle nous amenait. Donc elle rentrait du footing, elle prenait une douche, enfin bon c'est dingue quoi. Bon bah qu'elle fasse les JO ta mère. Que je te dise oui, Laure. Moi, la seule explication, c'est qu'elles ont un super pouvoir. Je vois rien d'autre. Mais c'est sûr, un super pouvoir de super maman. Ouais. Bah, bien sûr, oui, Clément. Peut-être qu'ils engagent des comédiennes, en fait. La famille, la vraie maman, elle reste dans la voiture. Elle paye une jeune étudiante. C'est les collèges qui font ça. Quand moi, j'ai des comédiennes pour dire vous êtes juste superbes tous les matins pour mettre la honte aux autres mamans.

sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis. 6h, 9h, on est là avec toute l'équipe. Yes, oui. Courage à vous qui êtes en voiture, peut-être dans le bus aussi. Tiens, je voudrais saluer la ligne, attention, Charleville-Mézières. Ah, la ligne 4 entre la Croisette et l'Hôtel de Ville. Bien sûr. Et voilà, on a Joachim qui nous écoute en ce moment sur cette ligne. Et bon, on embrasse tous les usagers de Charleville-Mézières. Eh bien, voilà, bien sûr. On parle avec vous des choses qui font mal au moral. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui fait mal au moral? Eh bien, je vais vous le demander. On vous a rappelé, bien sûr, au 3916. On a qui? On a Valoche qui est là. Bonjour Valoche. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Valoche, tu fais partie de tous les gens qui ont répondu ce matin encore. Qu'est-ce qui, toi aussi, le petit truc tout bête, mais qui te ruine un peu ta journée, qui te fait mal au moral quoi qu'il arrive? Moi, ça me fait mal au moral, c'est quand tu sais, t'es au bureau et que tu pioches un stylo pour signer un document et que, bien sûr, sur les 20 stylos que t'as sur ton bureau, tu tombes sur celui qui n'a plus d'encre. Toujours. Et là, j'ai envie de pleurer, quoi. Mais j'adore ce truc de. C'est rien, tu prends un autre stylo. Mais c'est que t'es là et tu fais vraiment. Et tu sais pas pourquoi tu le remets, tu le jettes pas. Des fois qu'il se recharge tout seul en encre. C'est vrai. Et c'est, du coup, c'est pour ça que tu tombes toujours dessus, finalement. Mais c'est vrai. Et oui. Ce qui est un peu bête. On le jetterait, finalement. On le jette on pas. On aurait plus de problèmes. On le jette jamais. C'est vrai ou pas? C'est comme le stylo 4 couleurs, c'est toujours du vert qui reste. Oui. Les autres couleurs, non, le vert, non. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce qui vous fait mal au moral, vous aussi, l'équipe, Clément? Moi, quand on me prend pour un vendeur à chaque fois dans les magasins, ça m'arrive tout le temps. J'aime bien, moi. J'attends mes potes et tout, et tout le monde vient me voir à chaque fois. Vous l'avez en 38? Je dis, bah, je travaille pas là. Donc voilà, j'ai une tête à bosser dans tous les magasins. Ouais, moi j'aime bien quand on me prend pour un vendeur. Ouais, mais ça dépend où, parce que moi c'est des magasins souvent où les vêtements sont assez larges et tout, et du coup, non, mais dans le rayon où je suis, il se dit, tiens, il doit bosser là, lui, il a la taille. Bon ouais. Moi ça me plaît ça, l'or. Moi, quand je fais mon café le matin et que je me le renverse sur moi, mais juste après m'être habillé, ça me fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Souvent, c'est au McDo, c'est on jette son plateau. Ouais. Quand on n'a pas mangé le plateau, Clément. Ouais. On jette son plateau, et le moment où tu jettes, et ton portable. Et voilà. Oh non. Tu retrouves, tu pouvais la poubelle. Non mais même, je vous dis n'importe quoi, les clés de voiture, les trucs. Mais moi c'est systématique. Ouais. Et tu fais. Et au moment, mais tu les vois partir. Tu vois, elles te font salut mon pote. Il arrive sur la poubelle. Et tu les vois, et tu fais. Eh, c'est un peu comme au baby foot quand vous voulez faire une gamelle, mais. Mais tu vois le truc partir, tu fais ça y est, faut mettre la main dans la poubelle, l'or. Mais tu sais que les enfants chez moi font pareil avec les couverts, mais je pense que c'est parce qu'ils veulent pas les mettre au lave-vaisselle. Je n'ai plus de couverts. Il les jette direct. Quand ils débarrassent, j'ai plus de couverts, donc. Il faut que chez Ikea. Bah, j'ai vu une étude là-dessus, quand on jette les couverts, c'est qu'on peut pas blairer sa belle-mère. Pauline au standard. Ça fait mal au moral quand t'arrives à la caisse du Carrefour et que c'est pile au moment où tu dois passer qu'elle met caisse fermée. Mais moi ça me casse une journée. Hein. Alors, parce que quand même ils sont sympas avec nous, c'est pas que chez Carrefour. Non. Ça, je veux dire, on peut parler de tous les supermarchés. Parce que, je veux dire, là tu mets vraiment un gros tac à Carrefour, ils ont rien demandé. Et on peut parler aussi d'Auchan. On peut parler d'Auchan. Et de Leclerc. Et de Leclerc. Bah oui, et de Monoprix. Comment? Et de Monoprix. On va pas tous les faire. D'accord. Merci à toi. Tiens, il y a Rémi qu'on a rappelé aussi au 3916. Salut Mimiche. Salut tout le monde. Salut. Dis-moi mon poteau, qu'est-ce qui te fait mal au moral à toi aussi? Moi ça me fait mal au moral quand le matin je reçois un appel en privé, donc tu décroches, c'est ton banquier qui te demande si tu t'es fait voler ta carte. Et puis ben non, en fait c'est juste que tu as passé une grosse soirée, c'est pas voilà, tu as complètement oublié quoi. Mais c'est horrible, il faut surtout pas le faire, hein, bien sûr. Ça vraiment je vous encouragerai jamais à le faire. Mais on l'a tous le moment où on dit est-ce que je dirais pas oui. J'y ai pensé. Voilà, c'est ça. non, il faut bien sûr, il faut surtout pas. Sinon il y a un truc qui fait hyper mal au moral aussi, c'est quand tu arrives au travail le matin et que tu vois ton équipe et tout. Je plaisante, ça va l'équipe. Oui Pauline. Tu me regardais moi quand tu dis ça. Oui, c'est vrai. Clément, ça fait mal au moral quand tu prends un nouveau travail et qu'au bout d'environ 6 mois, ils te font « Ah, c'est comme Bastien !» Tu fais « Clément !» Sacré Bastien. Allez, Clément, on y va. Merci. Rémi, Valérie, restez avec nous. Vous aussi, continuez de réagir. Hein. Hashtag ça fait mal au moral. Dites-nous le petit truc qui vous brise votre journée. Les Jonas Blue, Perfect Stranger. Voilà ce qu'on va écouter pour le pop rock électro. C'est le morceau préféré de Bastien, ça. On y va. C'est avec nous. Je vous paye votre loyer dans deux secondes. Virgin Tonic. Bah, pourquoi tu cries? Tu viens d'apprendre que maman venait ce week-end. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Eh bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher!

tout de suite. Paye votre loyer sur Virgin Radio. Et je suis pas tout seul, je suis avec toute l'équipe, bien sûr, tous les matins, à vous régaler comme ça. On est la seule radio à vous faire ce beau cadeau. Et on fait rien d'exceptionnel parce que vous le méritez. Vous êtes tellement nombreux à nous rejoindre tous les matins, de plus en plus, à parler en bien de l'émission, que ça nous fait plaisir de vous régaler dès 6h20, puis à 7h20, puis maintenant à 8h20. Trois tirages au sort par jour pour ce loyer. Il suffit de vous inscrire par SMS loyer au 7 12 13. Mais c'est bien votre numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler en direct. Ce matin, en direct, on a réussi à avoir Audrey au téléphone à 6h20. On lui a offert 700 euros. On a réussi à avoir Aurélie au téléphone. Il y a une heure, Aurélie, on lui a offert un chèque de 1486 euros. Magnifique, elle a pleuré, elle était comptable. Ouais, trop mignonne. À Sartrouville. Hein. Ouais. Et voilà, elle a séché ses larmes depuis, mais elle était très, très, très émue. Et il est temps déjà de passer au troisième tirage. Au sort, Ginger. Peut-être encore un prénom en A. Jusque-là, on avait ça. Oh, le suspense, hey. C'est vrai. Audrey, Aurélie, peut-être Hélène. On y va. Allez, c'est parti. Dernier tirage au sort de la matinée. Je vous rappelle, hein, nous, on vous fait le chèque du montant de votre loyer, du montant de votre crédit d'emprunt. Oui, allô. Après, vous dépensez comme vous voulez. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? Hélène. Ah ouais. Non, c'est Alexandre. Oh là là, et trois prénoms en A. Ouais. J'aime bien ça. Le triple A, la France l'a perdu. Virgin Radio l'a gardé. Voilà. Eh ben voilà. Alex. Oui. Ça va? Bah ça va, oui. C'est Virgin, donc ça va. Eh ben ouais. T'as répondu. Alors quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Eh ben... tourner autour du pot plus longtemps. Évidemment que t'as gagné. Je suis désolé pour tous ceux qui s'inscrivent peut-être depuis ce matin 6h, qu'on n'a pas eu la chance d'être tiré au sort. Rassurez-vous, voilà. Il faut s'inscrire, parfois il faut persévérer. T'as envoyé combien de SMS, toi, Alex? Mais moi, je joue quasi tous les jours. Tu vois, et ça a fini par payer. Bah déjà, merci de nous être fidèles et merci de t'inscrire. Ouais, j'adore l'émission, donc j'écoute tous les jours. Oh, t'es un amour. Qui t'aime bien dans l'émission? Bah, toute l'équipe, surtout ça. Non, mais qui tu préfères? Qui tu préfères? T'enflamme pas alors. C'est horrible ça. Bah, je vais pas faire le. Évidemment, c'est Camille, et puis l'équipe. Oui, mais là. Faudrait que je pose plus souvent cette question. Alex, mon bichon, tu fais quoi dans la vie? Je suis commercial. D'accord, dans quoi? Dans l'air comprimé. Ah, c'est bien. Est-ce ça pour. Tu peux citer le nom de la boutique ou pas? Bah, fais-toi plaisir, Air Liquide. Non, Airflux. Airflux. Alors l'air comprimé, ça sert à quoi? Je connais très bien parce que j'ai longtemps joué au paintball. Par exemple, le paintball, c'est des bouteilles. Ça peut servir à ça, mais exactement. Essentiellement dans l'industrie. Dans l'industrie, et évidemment, c'est tout bête, mais la plongée sous-marine aussi, c'est de l'air comprimé qu'il y a dans les bouteilles. Tout à fait, en haute pression, ouais. Ah bah bien sûr, bah oui, Nico du bureau. Les compresseurs aussi pour. Voilà. Bah le compresseur crée l'air comprimé. Voilà, pour gonfler les pneus de la voiture, par exemple. Bah voilà. Excusez-moi d'être un petit peu dans le boulot avec Alex. Ouais. Mon bichon, t'as un loyer de combien donc du côté de chez toi? 1345. Eh ben 1345, on est très très très heureux de te l'offrir mon pote. Donc 3500 euros de loyer offert ce matin. Et hier c'était énorme, on a offert 3300. J'avais dit que ce matin on ferait encore mieux. Eh ben bravo Alex, je t'envoie le chèque dès cet après-midi. Merci beaucoup. Il faut l'adresse peut-être. Oh ben, je vais le prendre en antenne. Je vais le prendre en antenne, Alex. Oui Clément. C'est que hier soir j'essayais de compter combien en plus de 2 ans on avait payé de loyer. Je me suis endormi, mais. Essayons de trouver le chiffre. J'aurais bien aimé être le tirage des 50 ans, évidemment. Eh oui, les 50 ans, c'était maintenant il y a une semaine, hein, un peu plus d'une semaine, c'était vendredi il y a 15 jours. On a quand même fait un chèque de 382 000 euros à Eric de Toulouse. Moi, j'ai fait le calcul de mon côté, ça a pu faire lourd. Ça faisait combien? 810 000. On s'en est bien ça sortis. Ça nous arrange. Bon Alex, je suis très très très heureux. Tu seras notre dernier gagnant de ce matin. Mais en tout cas, je suis heureux. Vraiment, merci en tout cas de nous écouter chaque matin. D'accord? Merci beaucoup et puis à bientôt. Et allez, salut poto et bon courage à toi pour ton boulot aujourd'hui et vous tous aussi. Rassurez-vous, retour du loyer demain 6h20, 7h20, 8h20. Vous pouvez vous réinscrire hein, dès à présent loyer au 7 12 13. Jonas Blue, ça vous dit? Oui. C'est ce que je vous ai préparé, c'est un de vos morceaux préférés. Je le sais, c'est pour le pop rock électro. Bon courage, c'est mardi, c'est Virgin Radio. Hey, this is Jonas Blue for Virgin Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see you. but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. C'est mardi aujourd'hui, le 27 septembre. Bientôt 8h30, courage à vous qui êtes en voiture, encore peut-être dans les bouchons, peut-être en train de vous garer devant votre boulot. Nous on est là en tout cas chaque matin avec l'équipe bien sûr, oui. Avec tous nos journalistes qui arrivent aussi pour l'info à 8h30 comme tous les matins. Et puis juste après 8h35, nouveau réponse à tout de Clément Lincruse quand il descend dans la rue poser des questions aux enfants. Et là j'ai un chiffre, alors je voudrais savoir si ça vous fait pareil. Ouais. Appelez-moi au 3916, n'hésitez pas, vous aussi vous allez me dire l'équipe. Ouais. Parce que alors moi ça me le fait. C'est vrai qu'il y a des aliments que je mange pas parce qu'ils sont trop moches. Je vous promets que c'est vrai. Et 76% des gens dans le monde entier ne mangent pas au moins un aliment parce qu'ils le trouvent trop moche. C'est vrai. Moi ça me le fait avec les dattes. Ah bon? Et je vous jure, j'aime le goût. Mais l'aspect me repousse tellement que du coup j'en mange pas alors que j'aime le goût. Et ça me le fait avec les oursins aussi. Ah ouais, ça je comprends mieux déjà. Mais les dattes, c'est agressif. C'est agressif, je sais pas, ça fait on dirait un virus. Je peux pas en manger alors que j'aime le goût hein. Vous avez des trucs comme ça l'équipe, je vais vous demander. Tiens, il y a Marina qui est au standard, ça va Marina? Oui, salut Camille. Salut ma belle, je vais te demander aussi, est-ce que vous êtes dans mon cas? Ouais, moi j'ai un seul truc, c'est les artichauts. J'ai vachement de mal, mais après quand ils sont préparés dans quelque chose, ça va, mais le voir, je peux pas. Parce que quand j'étais petite, je crois que c'était une plante carnivore, les artichauts. Mm-hmm. Avec les poils et tout, ça me fait. En fait, comme dans les dessins animés et tout, c'est vrai que c'est ces plantes qui viennent manger héros, là, ça peut ressembler à un artichaut. Exactement. Et ça me faisait flipper. Je ne peux pas les manger crus, enfin, comme ça. Comme pour ceux qui ont à peu près mon âge, 35 ans, comme dans James, c'est les monstres plantes. Mm. Ah oui. Eh oui, ça ressemble à un énorme artichaut. Vous vous rappelez ce dessin animé? Ouais. C'était top, boum, la bague, elle brillait. Qu'est-ce qui se passe, Clément? Moi, les poissons où on voit les yeux, c'est les sardines, tout ça. Je peux le poisson blanc si on voit pas la tête. Dès qu'on voit vraiment la forme du poisson et la tête, je peux pas. Ah, si on te le sert, tu veux dire, au restaurant avec la tête et tout, genre une truite, tu peux pas. Ouais, je trouve ça moche, la tête elle est pas belle. Eh oui, donc tu le manges plus? Bah, je mange que si je vois pas la tête. Bah, vous voyez, ils se moquaient de moi au début, et ça prouve que quasiment tous les Français ont au moins un aliment qu'ils mangent pas à cause de leur aspect. T'en as un, toi, ma Marina? Oui, alors moi, ce que je n'aime pas du tout manger, c'est le tarama. Me dire que c'est des œufs de poisson, ça m'écœure complètement. De me dire que c'est des pauvres petits bébés, alors ça je peux pas. C'est ça, le tarama, je savais pas. Ouais, c'est comme c'est le des œufs de poisson, mais c'est une mousse. Ça, c'est les œufs de limpe. C'est pareil, bah ouais, il y a des œufs dedans. Ah bon? Voilà, oui. Oh mince, tu viens de me briser mon rêve, j'adorais le tarama, je savais pas ce que c'était ça moi. Ah non, c'est des petits bébés, moi je peux pas manger ça. Ouais. Ah mais j'ai. D'où le proverbe, on fait pas du tarama sans casser les œufs. Eric, il y a Eric qui est avec nous aussi au standard au 3916. Salut Ricou. Salut les amis. Salut. Ricou, est-ce que toi aussi, comme pratiquement tous les Français, il y a un aliment que tu manges pas parce qu'il est trop moche? Pardon, hein, c'est dégueulasse, mais c'est vrai. Bah, complètement, ouais, c'est le fenouil. On dirait un oignon géant, avec des espèces de petits poils verts, et puis rien que le nom fenouil. Non, mais c'est pas sexy, c'est quoi le truc? Alors, moi, au contraire, le nom fenouil, j'ai envie d'être pote avec lui. Ah ouais. Je trouve que ça sonne bien. Mais en revanche, déjà, j'aime pas trop le goût. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est pas joli, on peut pas dire que c'est joli le fenouil, Clément. S'il y avait un Tinder de la nourriture, il se ferait pas matcher le fenouil. Si tu regardes juste les aliments, tu le passes pas. Mais personne matcherait le fenouil. Moi, je matcherais. Ah ouais? Ouais. Tu parles sur un concombre. Tu laisses le fenouil tranquille. Bah non, mais en vrai, mais personne calculerait le fenouil. Ouais, je suis pas sûre. Bah bien sûr. Et alors, en revanche, côté fille, la tomate. Oh, ouais. Ah ouais. Ah non, bah là, la sexy. Hein. Quoi ? La framboise. Ah ouais. La framboise, un peu, m'as-tu vu, un peu plus mûre. Hey, oh, salut. Ouais, je sais pas. Oh, sexy, ouais. Bah le fruit de la passion, moi je choisirais. L'abricot. Ah. C'est bon. Bah, oui. Restez avec nous les amis. Et merci Eric, merci Marina. Vous êtes si sympa avec nous au standard. Peut-être vous nous appelez pour gagner des iPhones et on vous demande quel aliment vous trouvez trop moche. C'est le principe du Virgin Tonic à côté de vous chaque matin, bien sûr, 6h, 9h. Et avec le son que vous aimez, le pop rock électro que vous aimez, LP, Lost on You, voilà ce qui arrive. Bougez pas, on fait un point sur l'action, on revient. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un ciel contrasté aujourd'hui en France, de possibles averses sur la Bretagne, des orages attendus sur le sud-est, entre les deux du soleil sur une ligne allant de l'Occitanie au Grand Est, beau temps sur la région parisienne, 22 degrés cet après-midi à Paris, vous aurez 24 à Marseille. Deux anciens grands flics cuisinés par les bœufs carottes, Bernard Squarsini, ancien patron de la DCRI, et Christian Flech, ex-chef de la PJ parisienne, ont passé la nuit en garde à vue dans les locaux de l'IGPN. Ils sont tous deux suspectés de trafic d'influence. L'explosion du chômage le mois dernier en France. On n'a jamais fait pire depuis janvier 2013. Une hausse de 1,4% par rapport à juillet, soit 50 200 personnes de plus inscrites à Pôle emploi. Les jeunes sont les plus touchés. Le chômage de longue durée est également reparti à la hausse. C'était le 5 octobre 2015 à Roissy. Le comité d'entreprise d'Air France perturbé par des salariés et des syndicalistes en colère. Le DRH devait fuir la chemise en lambeaux. 15 prévenus vont comparaître aujourd'hui au tribunal de Bobigny, dont 5 ex-salariés poursuivis pour violence volontaire en réunion. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison. L'intersyndicaliste d'Air France appelle à la grève. Violence, moquerie, insultes, le harcèlement à l'école sera au cœur d'une campagne de sensibilisation à partir du 26 novembre. Ce matin, le journal Le Parisien évoque une enquête menée dans les collèges et lycées de l'Île-de-France. Il en ressort que les insultes sexistes touchent presque autant les garçons que les filles. France 3 diffusera ce soir le téléfilm Marion 13 ans pour toujours, le drame de Marion Fraisse, retrouvée pendue dans sa chambre en février 2013. Elle avait 13 ans et elle ne supportait plus les insultes de ses camarades de classe. À l'étranger, le débat musclé entre Hillary Clinton et Donald Trump hier soir sur les télés américaines. La candidate démocrate aurait pris un léger avantage. Il y aura encore deux confrontations d'ici au 8 novembre. Et puis la signature d'un accord inédit en Colombie. Le président colombien a paraphé un accord de paix avec le chef des FARC pour mettre fin à la guérilla qui durait depuis plus de 50 ans. L'ex-otage Ingrid Betancourt a salué la fin du cauchemar. Du football ce soir, la deuxième journée de Ligue des Champions qui débute. Lyon en Espagne face à Séville à 20h45. Monaco opposé à Leverkusen. Lyon et Monaco qui auront à cœur de conforter leur première place. Le PSG jouera lui demain sur la pelouse bulgare de Ludogorets. Et puis en basket, la fin hier soir de la première journée du championnat de France Pro A. Le CSP Limoges a sauvé l'honneur devant son public en s'imposant de justesse 75 à 70 sur Dijon. La prochaine journée dès vendredi. Voilà pour l'actu. Tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil avec nous. Les amis, ben, beau réveil à vous tous, vraiment. J'espère que tout va bien pour vous. 8h30 passé de quelques minutes. Je sais que voilà, vous êtes en train de partir bosser, vous êtes peut-être encore dans les transports. En tout cas, nous, 6h, 9h, on vous lâche pas avec toute l'équipe. Oui, l'équipe, on a fait une bêtise. Quoi? Oh là là, on a fait une bêtise, les amis. Aïe, je m'en veux. Quoi? Je m'en veux, on a fait une bêtise. On a offert, et on le fait tous les matins, on a offert une PlayStation 4 avec un jeu FIFA 17. Ouais. Et j'apprends là, je viens de l'apprendre, sinon je m'aurais pas fait la boulette. Les jeux vidéo font grossir les femmes. Une femme qui joue aux jeux vidéo prend en moyenne 4 kilos de plus que celle qui ne joue pas. Les amis, je vais continuer de vous offrir des PlayStation, puisqu'on le fait tous les matins. Mais les filles, n'y jouez pas trop, ça vous fait grossir. Ah bon. Les garçons aussi peut-être, j'ai que le chiffre sur les filles, je précise. Clément. Si ça peut te rassurer, c'est un garçon qui a gagné tout à l'heure, donc c'est bon. Ouais. Oh là là, on s'en sort bien. Je veux pas me retrouver avec les kilos en trop là sur la tête. On dit ouais, c'est encore Combal. Oui, Pauline, au standard. Et ben tu vois, l'adolescence, le moment où j'ai le plus grossi, c'est quand je jouais à Crash Bandicoot. C'est Crash Bandicoot d'Azur. C'est que sur la côte d'Azur. Vous jouez aux jeux vidéo. Alors, je sais que par exemple Ginger, elle joue énormément à Pokémon Go. Ouais, beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi les Sims. pousser sur l'ordinateur. Oh. Alors ça, c'est un truc, c'est ma vie, je peux passer là-dessus. Mais oui, c'est souvent quand t'as pas de vie. Exactement. Et toi, ma petite Laure, en vrai, est-ce que t'aimes les jeux vidéo? Peut-être la Nintendo Wii, je sais pas. Non, oui, éventuellement, mais je me suis démis l'épaule à la Wii la dernière fois. Ah mince. Ouais, mais tu sais que tu te fais vraiment mal, t'as vraiment des courbatures après. Ah, tu dois jouer un peu trop violent, c'est la wesh là. C'est plus bon. Oui, Clément. Non, mais Laure, elle déteste parce qu'elle sait qu'elle peut devenir accro. En fait, on l'avait initié. Et on a une PlayStation au bureau. Et en fait, elle devient hystérique. Ah, elle devient hystérique. On l'avait fait jouer à GTA San Andreas. Après, en repartant, elle braquait vraiment les voitures dans la rue. Elle n'avait pas compris. Le jeu, il s'était arrêté. Elle était assez dingue. Donc, faites attention, les filles. J'imagine les hommes aussi. Dans tous les cas, c'est très sérieux. Voilà. Ah non, je vous dis une bêtise. Quoi? Les hommes ne grossissent pas en jouant aux jeux vidéo. Ah bon, okay. Voilà, on vient de m'envoyer la suite de l'info. Mais les femmes, oui. Donc, faites attention, les filles. Oui, Nico du bureau. Oui, parce qu'en fait, nous, on est dans l'esprit de compète. Donc, ça nous donne du stress. Et du coup, on grossit pas. Non, je sais. Mais c'est une étude d'homme. C'est ça. Une étude d'homme. Oui, tranquille. C'est sûr. Les filles, ne jouez pas parce que vous allez grossir. Mais c'est vraiment une arnaque. Attends, je la sors de Barbu Magazine. C'est une étude d'homme. C'est une arnaque de dingue. Je la sors, mais attendez, je la sors de jefaispipidebout.com. C'est une étude d'homme, ça. Ça nous donnerait. Ça nous donnerait, madame Laure. Allez, tout de suite, on parle avec les enfants. C'est le réponse à tout. Réponse à tout. Et oui, la réponse à tout, Clément descend dans la rue et pose des questions aux enfants chaque matin. Et là, je leur ai demandé comment ils pourraient punir leurs parents si le rôle était inversé. Si au lieu de vous gronder, c'est vous qui pouviez gronder vos parents et les punir, vous les priveriez de quoi ? Du téléphone. Ma mère, je la priverais de sa lecture du soir. Et mon père, quand il regarde la télé le soir. De trop travailler le soir. Les réseaux sociaux, parce qu'ils sont trop vieux pour aller dessus. T'as un âge ? Oui, faut être jeune, avoir moins de 35 ans. Quoi d'autre comme punition ? Je leur priverai de leur voiture pour partir faire des tours en ville avec. Ah oui, tu leur prives, c'est tu leur voles. C'est ça. Et imaginez, c'est soit votre père, soit votre mère, soit vos parents. Vous avez le droit de les engueuler, ça donne quoi ? Maman, t'arrêtes de fumer et t'arrêtes de gueuler au téléphone. Va dans ta chambre et va en cours à ma place demain matin. Arrêtez de me punir tout le temps. C'est pas ma faute, c'est la faute de mon frère. Et privé de dîner. Bon, maintenant, maman, tu vas faire tes devoirs. J'en démarre, hein. Les devoirs, il y a un moment pour travailler, un moment pour se reposer. C'est les devoirs, mon frère. Réponse à tout. Merci les enfants de nous faire autant rire chaque jour. Prochaine réponse à tout, nouvelles questions et nouvelles réponses. Bien sûr, demain à la même heure sur Virgin. Restez avec nous, on écoute LP. Et puis vous le savez, on est là à vos côtés jusqu'à 9h. On a encore un iPhone 7, hein. Oui, on n'a pas offert, il sera à gagner avant 9h. Bien sûr, excellent réveil, courage à vous tous. We came from burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, 'cause it's going down. à vous. Bon mardi, c'est le 27 septembre. Courage si vous êtes en voiture. Et prudence, hein, prudence aussi si vous êtes dans les transports. Peut-être aussi à la maison, encore sous la douche. L'important, c'est de se réveiller avec nous. 6h, 9h, le Virgin Tonic, Laure, Clément. Yes. Bonjour. Pauline sont là. Coucou. Tiens, je vais vous demander un truc. Tiens, l'équipe est... On va prendre du monde aussi au standard au 3916. Hein. Merci d'être si nombreux avec nous le matin. Sur les réseaux sociaux aussi. On va prendre un garçon, une fille. Vincent, t'es un garçon ? Ouais, il me semble. Ça tombe bien. Lorraine, t'es une fille ? Je crois aussi, oui. Eh ben, ça m'arrange. Un garçon, une fille. Attention, restez avec nous. C'est important. Est-ce que vous êtes en couple, tiens, Lorraine et Vincent ? Oui. Tous les deux ? Eh ben, je vais vous demander à ceux qui sont en couple dans l'équipe, là. Pauline, ouais. Laure, mm-hmm. moi-même, d'ailleurs. Mm-hmm. Les autres, ça va moins vous concerner. Ouais. Puisque j'ai appris que 27%, ok, mm-hmm. 27%, c'est le nombre de chances en plus qu'on a de rester ensemble. Si un couple établit une sex list, qu'est-ce qu'une sex list ? C'est une liste de 3, 5, 10 personnes, 30 personnes, si vous êtes gourmand, de stars, de personnalités très connues avec lesquelles vous autorisez votre chérie à coucher si la personne est d'accord, s'il se tombe dessus. Mmh. En gros, une liste de fantasmes, de dire, bah, tu sais quoi, ne me trompe jamais, ça c'est pas cool. En revanche, si un jour tu croises une de ces stars de ta liste, t'as le droit de coucher avec, je t'en voudrais pas. Mmh. Donc je vais vous poser une question simple. Vincent, Lorraine, vous tous dans le studio, quelle est la star avec qui votre chérie aurait le droit de fauter? Juju demain. Alors Laure, t'es en couple depuis longtemps avec Juju. Ouais. Juju, avec qui tu l'autorises? Une seule, hein. Une avec seule. Quelle star tu l'autoriserais à faire l'amour? Tu n'as pas le droit de lui en vouloir. Bah son fantasme, tant qu'à faire. Donc Gwyneth. Gwyneth, Madame Iron Man. C'est ça. Gwyneth Paltrow, ouais. Gwyneth Paltrow. Bon. Tu l'autorises? Bah écoute, elle est grande, elle est blonde, elle est maigre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? J'accepte. Moi, je vais vous dire, en fait, c'est un peu les fantasmes, c'est exactement pareil. Le fantasme, on n'a pas fait de sexisme d'ailleurs. Tu l'as fait, toi? Si, je l'ai fait. Moi, avec ma chérie, on l'a jamais faite. Mais ma chérie, si je dois l'autoriser à coucher avec quelqu'un, c'est son fantasme, c'est Vincent Cassel. Ah bah ouais. Moi aussi, je le mets sur ma liste. Ouais. Fantasme absolu. Bah, deux secondes, il est déjà sur une liste, il va pas pouvoir. Les filles, il va pas pouvoir coucher avec toutes les filles. Hein. Quoique. Clément ? Moi, si j'étais en couple, je pense que je mettrais Laurent Gérard et je lui dirais, voilà, écoute, tu voulais Cassel, tu voulais Obama, tu voulais Sarkozy, il les fait tous. Prends-en qu'un seul et ça marche. Mais c'est vrai, il sait tous les imiter. Ça marche ou pas ? Bonne idée. Hein ? Laurent Gérard sur ma sexiste. En un, il les fait tous. Pauline, maintenant, t'es en couple. Ouais. Demain, ton mec, alors je rappelle, vous avez une grosse différence d'âge, donc j'imagine que ça va être un peu plus Edith Piaf ou Catherine de Médicis. Mais sur qu'est-ce qu'il fantasme ? Avec qui tu le laisserais coucher ton mec ? Tu lui en voudrais pas. William, il aime les formes. Donc, il adore Beyoncé. Et donc là, Beyoncé, déjà, ton mec, William Lacartouche de Bordeaux, il aime Beyoncé. Et il la trouve hyper bien foutue et tout ça. Mais il connaît pas ses tubes, hein, il connaît pas la musique. Mais il la trouve hyper belle. Et en plus, ça vengerait Beyoncé de Jay-Z. Eh oui, parce que elle l'a dit dans son album, elle a dit que son mec l'avait trompé Laure. Tu sais que mon père, il adore Beyoncé, il n'y a pas d'âge pour aimer Beyoncé. Il n'y a pas d'âge, je crois que c'est vrai ce que tu dis. Il n'y a pas d'âge pour aimer Beyoncé. C'est très très vrai. Attention, ton père avec Beyoncé, je peux crever de rire. Juste là, je connais le père de Laure, je dis juste, hein, le père de Laure et Beyoncé dans un lit, je crève de rire pendant. Je sais pas combien peut coûter ce pari, mais je suis prêt à mettre tout ce que j'ai. Pour un jour que ça arrive, juste les voir dans un drap sous un drap ensemble, les amis, ce serait le rêve de ma vie. Attention, Vincent, tu as une chérie, ou un chéri d'ailleurs. Ouais. Une chérie. Une chérie, avec qui ? Ouais. Est-ce que tu l'autorises ? Avec qui elle a le droit de fauter dans ta sexiste ? Ben moi je dirais Georges Clooney. Il est pas mal, il est classe. Donc ça me ferait même plaisir pour elle. Sympa. Ouais. Bah, toi t'as le café le matin. Ouais. C'est ça, c'est pas dégueu. Mais surtout que Georges Clooney, en vrai, je crois que ma chérie je l'autoriserais aussi. Bah ouais. Parce que du coup il t'aime bien, t'es sympa. Et tu sens que, tu sais, il est pote avec Brad Pitt. Tu sens qu'ils sont hyper stars et tout. Mais qu'en plus ils doivent avoir un délire de potes de se voir et de rigoler l'après-midi. Ouais, ils sont. Ouais, c'est sûr. T'as envie d'être leur pote, quoi, Clément. À partir de quel degré de star t'es content qu'elle te trompe, en fait? Parce que j'imagine ma chérie, je rentre, elle me dit, voilà, je t'ai trompé, mais c'est avec Obama. Tu sais, avant d'être énervé, tu fais, sérieux, il est dans la chambre? Mais t'es obligé, salut, hein. Désolé, Barack, je repars. Hein. C'est gêné, quoi. Eh oui, alors si c'est Thierry Beccaro de Motus, t'énerve. Ouais, ouais, tu prends tes boules et tu. Ouais, oui. Bien sûr, merci. Lorraine, ma chérie, ma petite chérie, avec qui est-ce que tu autoriserais ton mec à coucher? Avec qui est-ce que tu laisserais mettre sur ta sexiste? Alors moi, ça serait Victoria Sylvestre, parce que déjà de 1, bon, c'est son fantasme, et puis de 2, bah, ça, on aurait des réductions sur des canapés, donc ça serait plutôt cool. Ah oui, c'est un peu plus sur. Alors Victoria, donc c'est Sylvestre, c'est la grande blonde qui faisait la roue de la fortune, et qui maintenant fait la pub, et c'est là...

Les amis, je suis très très très heureux. Si vous connaissez pas encore ce jeu, c'est très simple. Groupe de gospel, ils vont reprendre des morceaux très connus. Ils vont vous poser des questions, d'accord, sur des chansons gospel. Et vous devrez retrouver au moins deux bonnes réponses pour repartir. Alors, on a des milliers d'appels, hein, vraiment, au 39-16 chaque matin pour gagner cet iPhone 7. C'est normal, c'est le dernier cri, il vaut dans les 700 euros, c'est un très beau cadeau. Et c'est François-Xavier qui a eu la chance d'être tiré au sort. Salut François-Xavier. Salut, alléluia. François-Xavier, déjà, c'est important, est-ce que je peux t'appeler FX? Mais tu m'appelles comme tu veux, tu peux même m'appeler Virginie si tu veux. Okay. Bien, Virginie, ne bouge pas. Virginie, déjà, je tiens à te dire, on parle beaucoup de l'iPhone, mais c'est un très beau cadeau qu'on t'offre, vraiment. Tu viens d'où, Virginie? De Saint-Amand-Montrond, dans c'est le département du Cher, dans le centre de la France. C'est en dessous Bourges. D'accord, ah, c'est le milieu de la France, c'est si tu traces une croix. Écoute bien ce qu'on va t'offrir. Grâce à nos copains de chez Brossard, ils m'ont fait un beau cadeau pour mon anniversaire la semaine dernière, un très beau cadeau. Et ils nous ont offert l'iPhone 7, quand même pas rien. Plus, ils vont t'offrir un séjour à Paris. Tu monteras à Paris, tout frais payé. Voilà, on s'occupera de tout. Pour la Big Brownie Party, c'est un concert privé le 18 novembre à Paris. Pas énorme. Et tu pourras passer la soirée, tu verras un artiste Virgin Radio se produire devant toi pour quelques privilégiés. Et en plus, t'auras l'iPhone. Ouais, ça marche. Et alors, ça fait plaisir ou pas, Virginie? Bah, carrément, ça fait plaisir. Bah, elle est contente, ma Vinou, ou pas? Bien sûr qu'elle est contente, ma Vinou. D'ailleurs, je tiens à le dire, les brownies Brossard, ils sont moelleux. Oh, Ils sont moelleux. Bonsoir, Xavier. Je t'écoute. T'es moelleux? C'est très moelleux, ouais. Moelleux. Alors attention, c'est parti. Le Virgin Gospel Quiz, au moins deux bonnes réponses. Et tout ça sera gagné pour toi. Les copains, c'est sur Virgin Radio tous les matins. C'est parti, les gars, on vous écoute. Alléluia. Quel est le titre du prochain film, dans lequel il y a Jean Dujardin, qui va refaire une sorte de surfeur, un peu débile, un peu crétin. Alléluia. J'adore, Virginie, elle est à fond. Virginie, ma belle, dis-moi, quel est le film donc qu'on cherche? Ça serait pas Brise de Nice par hasard? Le combien? Le 3. Et c'est une bonne réponse. Le 2. C'est une mauvaise réponse. Oh. Oh bah non. Puisque c'est le 3, puisqu'il a cassé le 2, donc il est passé directement au 3. C'est ça. Le 3. Allez, je te l'accepte. Mais en vrai, de vrai, c'est Brise de Nice 3, parce qu'il dit qu'il a cassé le 2. Je trouve ça très drôle. Attention, on y va. Première bonne réponse pour FX. FX, on y retourne. Vas-y. On plaisante. Il y a quand même un concert privé, grâce à Brownie, grâce à Brossard. Et en plus de ça, l'iPhone 7. C'est on y va. Deuxième question. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dans quelle partie Oh, du corps humain se trouve le cubitus. Sachant que c'est pas dans la main. Non, c'est pas dans la main. Mais ça n'en est pas très loin. Oui, pas très loin. Oh, on tire un peu sur l'aigu, vous. Vache. Alléluia. Alléluia. Oh là là. Ah ouais, c'est dur. Mais oui, c'est dur. Mais oui, mais on n'est pas là que pour se marrer, mon pote. On est aussi là pour apprendre un peu le corps humain. Je vois ça. Gagne pas du temps en allant fouiller sur Internet. Non. Je dirais le poignet. Et c'est une mauvaise réponse, le coude. C'est le coude. Ah. Écoute, tout va se jouer sur le dernier. FX, je l'aime beaucoup. Ouais. Il est venu pour se marrer et là il se rend compte quand même qu'il est à une mauvaise réponse de perdre un iPhone. C'est exactement ça, je suis en plein stress là. Et je comprends, c'est un très très beau cadeau. Attention, oh là là. On y va. Dernière chanson, vous êtes prêts, Virgin Gospel Quiz? Allez, on y va. Quel est le jeu de football qui sort aujourd'hui sur console et sur PC et sur lequel, comme tous ceux d'avant, Clément Lacluse va dérouiller. C'est marrant, ça le fait pas rire. C'est concentré. Ouais, tu parles. Clément, de toute façon, c'est. J'allais dire le jeu. Je vous dis pas le jeu. Bah alors, François-Xavier, est-ce que tu connais le jeu qui va sortir? Est-ce que c'est pas FIFA 17? C'est FIFA 17, bravo. Alléluia. On peut dire On peut t'applaudir, tu gagnes le pack Brossard, je te l'ai dit. iPhone 7, séjour à Paris pour assister au concert privé de Big Brownie Party. C'est le 18 novembre prochain à Paris. On y sera certainement avec l'équipe. Eh ben mon poteau, je suis content. Mais merci, merci Camille. Franchement, je t'adore. Merci de votre émission à déchirer. Mais merci, merci. Et merci Brossard. Eh ben vraiment. Et nous aussi, on les remercie parce que franchement, c'est eux qui ont voulu nous offrir ces beaux cadeaux. Et on est très heureux de les partager avec vous. Juste, on va revenir deux secondes sur Clément et FIFA 17. Ah, dis-moi. Parce que Clément, il fait FIFA 17, mais en fait, Clément, il prend que le Bayern Munich. Et il court du milieu de terrain à fond avec ses deux dribbles et ses machins. Donc c'est pas joué, c'est pipé. Quoi. J'ai changé, je prends la Juventus maintenant. Oh, ouais. Je suis retourné aux sources. Mais la Juventus de Berlin. Ouais. C'est un délire, il a mis tous les joueurs là-bas. Laure a déjà enlevé son casque, on parle de jeux vidéo. Laure est carrément en train de quitter le studio. Oui, Nico du bureau. Non, juste pour dire, c'était un très bon jeu, mais le jeu sort quand même jeudi et pas aujourd'hui, je tenais à le dire. Donc après-demain, mais il est en précommande, donc on peut dire que ça marche aussi. Pourquoi t'es chiant? On fait gagner FIFA 17, il faut être. Pourquoi t'es chiant, Nico du bureau? Pourquoi tu fais ça? Bah, parce que c'est ma vie. C'est ce que je suis. Oh, on l'a vexé, il fait sa tête de chien battu. Ouais. Jusqu'à 1 h à chaque fois. Allez, restez avec nous, les amis. Il y a Pierre-Alex qui va vous accompagner maintenant pour toute une matinée de pop rock électro. On va faire un dernier point sur l'actu. On fait un dernier bisou à FX aussi. Bravo, mon pote. Hein. Merci, merci encore. Un grand bravo à toi, poteau. C'est un beau cadeau. On est content de te l'offrir. Je vous rappelle qu'on passe toute la journée avec vous, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On vous lâche pas, les copains. On peut s'écrire, vous nous dites tout ce que vous pensez de l'émission. Ouais. Chaque avis est important pour nous. Demain encore, des inscriptions pour le grand séjour à La Réunion, valeur 7000 euros qu'on offrira vendredi matin en exclu. Et puis retour du loyer, le plus beau cadeau, toute radio confondue, 6h20, 7h20 et 8h20. Ce sera une nouvelle fois à gagner demain. Allez, Pierre-Alex, il commencera avec Mike Posner. On retrouve tous nos journalistes. Bon réveil encore à vous tous. À demain, l'équipe. Ciao. Radio. Your radio. Electro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un temps assez mitigé aujourd'hui sur l'ensemble du pays, de possibles averses sur la Bretagne, des orages sur le sud-est, de belles éclaircies partout ailleurs, beaucoup de soleil sur l'Occitanie et le Grand Est, 22 degrés cet après-midi à Paris et Lyon, 24 à Marseille. Les jeunes, les seniors, les chômeurs de longue durée, non seulement ça ne va pas mieux, mais c'est même de pire en pire. Le chômage a connu le mois dernier une hausse inédite depuis janvier 2013, un bond spectaculaire, plutôt une explosion de 1,4% en un mois. Soit 50 200 personnes de plus sans emploi, un total de 3 560 000 chômeurs. Et c'est une des réponses au chômage. Le géant Amazon souhaite implanter un cinquième entrepôt en France. Le bâtiment de 107 000 m² pourrait ouvrir dès l'an prochain à Amiens, dans les Hauts-de-France. À la clé, la création d'un millier d'emplois. L'intersyndicale d'Air France appelle à la grève. Le mouvement ne devrait toutefois pas avoir d'impact sur le trafic aérien. Il a pour but de soutenir les 15 salariés ou ex-salariés jugés aujourd'hui et demain à Bobigny. 15 prévenus dans le box des accusés pour l'affaire des violences commises en 2015 sur des dirigeants d'Air France. Les insultes sexistes touchent presque autant les garçons que les filles. C'est le résultat d'une étude menée dans les collèges et les lycées d'Île-de-France, publiée ce matin dans le Parisien. Les filles sont le plus souvent moquées sur leur tenue vestimentaire, les garçons sur leur poids. Une campagne contre le harcèlement scolaire sera lancée le 26 novembre et France 3 d'ailleurs diffusera ce soir le film choc Marion 13 ans pour toujours. Le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump hier soir aux États-Unis, échange musclé dans une ambiance parfois électrique entre les deux candidats à la présidentielle. Certains estiment que Hillary Clinton a pris un léger avantage. Il y aura encore deux autres débats avant le vote du 8 novembre. Et puis il y aura deux prétendants français aux International Emmy Awards le 21 novembre à New York. La série 10% dans la catégorie comédie et le documentaire Gérard Depardieu, Grandeur Nature. Le film, elle, a lui été sélectionné pour représenter la France aux Oscars. Un petit rappel musique, J-9 pour Electrochoc le 6 octobre au Zénith de Paris. La plus grosse soirée électro de l'année avec The Avner Kungs, Feder, Synapson et plein d'autres. Les toutes dernières places à gagner en nous écoutant et sur notre site virginradio.fr. Au moins 130 millions d'euros en jeu vendredi pour la nouvelle formule de l'Euromillion. Des cagnottes planchées plus élevées également, comme celle de ce soir à partir de 17 millions d'euros. Et une pluie de millionnaires plusieurs fois par an. Première averse prévue le 28 octobre. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Pierre-Alex jusqu'à midi. Belle journée. Radio, pop, rock, electro. Non-stop. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful.

make a truce, cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Reaching out, I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around.